What You Came For de Rihanna sur Skyrock. Elle pose sur un son de Calvin Harris. D'ailleurs, je vous annonce que dès ce matin, on a à nouveau plein d'invites à vous offrir pour la grande tournée Skyrock de Rihanna. On est à J-19. Elle sera le 15 juillet à l'Allianz Riviera de Nice. Par la suite, elle va passer au Parc Coël de Lyon, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq et au stade de France de Paris-Saint-Denis. On vous file des invites dès maintenant pour faire partie des premiers inscrits. Vous pouvez commencer à tweeter avec le hashtag #DiFullBest. Il y aura des places à gagner d'ici à 9h. Il est 5h58. J'espère que la nuit a été bonne. C'est Vincent. On va se retrouver tous les matins sur Skyrock. On va revivre l'année de DiFull et Romano, les meilleurs moments du morning. Toute nouvelle émission. C'est Morning Best. On y va jusqu'à 9h. On est en train de préparer tout ça. On attaque dans quelques secondes. Pour le son, il y aura Justin Timberlake. Le sport, il est là, vous le connaissez, c'est Rémi au taquet pour attaquer la semaine. Le temps pour ce matin, Rémi, de bonnes nouvelles? Bah, encore une fois, ça dépend un petit peu où on est, hein. Le ciel est dégagé et ensoleillé sur le sud et à l'est. Par contre, nuages et averses localisées au programme pour les régions au nord de la Loire. Les températures ce matin, 10 degrés à Charleville-Mézières, 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Lille et à Beauvais, 13 à Nantes, 14 à Bordeaux et à Lyon, 15 à Paris, 18 à Nîmes, 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Cherbourg, 20 à Lille, 21 à Paris, 22 au Mans, 23 à Tours, 24 à Bordeaux, 25 à Limoges, 27 à Marseille et à Lyon, 29 à Perpignan et 32 du côté de Montpellier. La pollution, on respire plutôt bien en ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Lyon, Marseille, Nice et Ajaccio. Il y aura aussi les Black Eyed Peas et Niska avec Mustapha Jefferson. Et là, c'est parti pour l'actu. Et finalement, c'est oui. À plus de 55%, les habitants de la Loire-Atlantique se sont prononcés en faveur du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Plus d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes pour cette consultation unique en France. Manuel Valls estime que la démocratie a parlé. Le Premier ministre veut aller vite du coup dans ce dossier vieux d'un demi-siècle et faire commencer les travaux dès cet automne. Les opposants n'ont pas dit leur dernier mot et dénoncent une mascarade. Un tag qui provoque une polémique à Grenoble. On y voit deux policiers anti-émeutes qui s'apprêtent à frapper Marianne alors qu'elle est au sol. Le problème, c'est que cette fresque a été réalisée dans le cadre d'un festival subventionné par la mairie. Levée de bouclier des syndicats de police qui poussent Bernard Cazeneuve à intervenir. Le ministre de l'Intérieur a affiché son plein soutien aux policiers qui protègent chaque jour les Grenoblois. Ils sont 2 500 000 à se mordre les doigts. Une pétition demande purement et simplement l'organisation d'un deuxième référendum au Royaume-Uni. Il y a les pro-Europe bien sûr, mais aussi et surtout les électeurs qui regrettent d'avoir voté pour le out. Ils estiment n'avoir pas été bien informés sur le plan politique. François Hollande veut un divorce rapide. Angela Merkel est un petit peu plus frileuse. Le président et la chancelière allemande vont en discuter aujourd'hui à Berlin avec le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. Ils essaieront d'être sur la même ligne avant un sommet prévu demain à Bruxelles. Hillary Clinton qui conforte son avance sur Donald Trump dans la course à la Maison Blanche. L'ex-secrétaire d'État aurait plus de 10 points d'avance selon un dernier sondage. Elle serait créditée de 51% des intentions de vote contre 39% pour son rival républicain. Du sport et du foot avec des bleus qui ont frôlé, on peut le dire, la catastrophe. Les hommes de Didier Deschamps ont été menés 1-0 pendant toute la première mi-temps hier contre l'Irlande du Nord avant de revenir 2-1 grâce à un doublé signé Antoine Griezmann. L'équipe de France est donc en quart de finale et affrontera le vainqueur du match Angleterre-Islande prévu ce soir à 21h. Le rendez-vous est déjà fixé à dimanche prochain. L'Allemagne n'a eu aucun problème contre la Slovaquie et s'impose 3-0. Promenade de santé également pour la Belgique qui a laminé la Hongrie 4-0. À suivre aujourd'hui le choc aussi entre l'Italie et l'Espagne à 18h. Eh ben merci pour tout Rémi, on va te retrouver tout à l'heure dans la matinée pour l'actu le sport. À tout à l'heure. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de DiFull sur Skyrock. Il est 6h02. Bonjour à vous tous. Super content de vous retrouver pour cette première, la première du Morning Best. On a passé une grave année avec DiFull, Romano et toute l'équipe et on va se refaire les meilleurs moments du morning tous les matins sur Skyrock pour attaquer l'été, pour attaquer les vacances avec les conseils pas chers de Romano. C'est prévu. Il y aura du réveil de star également. Ce matin, on va utiliser les voix de Yann Barthès, Horacio ou encore Dora pour partir réveiller des familles. Il y aura l'horoscope de l'amour. Ça sera tout à l'heure aux alentours de 7h-10. On va parler bonheur dans quelques secondes avec DiFull et Romano. On va parler des choses qui nous rendent heureux dès le réveil. Il y aura des iPad mini, des cadeaux également à gagner. iPad mini en jeu ce matin. Je vous expliquerai comment faire pour l'avoir dans quelques minutes. Des places également pour Rihanna, la tournée Skyrock à Nice, à Lyon, à Paris et du côté de Lille. Tout ça, c'est cadeau. Ça va tomber dans la matinée. Puis plein de sons aussi à écouter pour pour s'attaquer tout ça, pour s'attaquer cette première du Morning Best. On y va tout de suite avec Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. On parle du bonheur ce matin. Qu'est-ce qui rend les Français heureux? Vous allez tout savoir, on va tout vous dire. Les Français sont d'abord heureux dans leur vie familiale à 72%. Tant mieux, car on passe quand même pas mal de temps avec sa famille. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, et c'est... c'est mieux de bien s'entendre avec. C'est vrai. Quand il y a un bordel dans la famille, c'est vrai, ça te bousille la vie. Après, dans la vie sociale, les amis, tout ça, c'est vrai que les amis, comment les choisir, vaut mieux être heureux avec. À 39%. Ensuite, seulement la vie amoureuse en 3. Seulement en 3, la vie amoureuse. Ah ouais. Ah ben. Et en 4, la vie professionnelle. Vous n'êtes pas content d'aller au bahut ou d'aller travailler ce matin, de revoir votre patron, de faire la bise à votre collègue qui pue de la bouche et tout ça? Non, ça vous fait pas plaisir. Ah, si. Un petit bonheur, on peut le trouver dans la vie professionnelle. C'est en 4 pour les Français. Et en 5, c'est dans la vie sportive. Et il y a plein de petits bonheurs que vous nous laissez. Moi, c'est fini les cours à 9h, on nous dit là sur SMS. Ah ouais, c'est vrai, tu commences à 8, tu finis à 9, t'es content. T'as une sacrée journée, ça. Ouais. Attention. Alors, ça, je crois mollo quand même. Tiens, en parlant de cours, je crois que c'est un message ironique de Mazirox qui nous fait: moi aujourd'hui, j'ai histoire des arts. Ça me rend très heureux. Non, ça me rend pas heureux. Bon courage pour l'histoire des arts. Mon bonheur, c'est de faire le plus beau métier du monde. Tiens, toi, t'es heureux dans ta vie professionnelle, c'est bien. Denzo. C'est militaire, son militaire, métier. Ouais. Salut à toi, le militaire. Adieu. Jérémy du 96, qui nous dit: moi, ce qui me rend heureux, c'est de pécho des meufs. Et il y a plein d'amoureux et d'amoureuses qui nous ont laissé des messages. Il y a Zlatan qui nous a laissé un... Bonjour Zlatan. Salut. Et, bah tiens, Zlatan qui est heureux parce que lui, il va voir sa meuf tout à l'heure. This is Zlatan. C'est bien Zlatan. Oui, c'est... Sois bon avec ta meuf Zlatan. Zlatan is the best. Voilà, c'est Zlatan, 19 ans, donc je ne pense pas que ce soit le vrai. Mais en tout cas, merci pour ton message, ça fait plaisir. Merci à toi. Et oui, il est heureux, c'est le bonheur. Et qui vous rend heureux, vous? Quand vous le voyez à la télé, est-ce qu'il y a des gens qui vous rendent heureux? Bon, je vous êtes content de les retrouver. Mimi Mati, parce qu'elle est toute petite et carriole, elle se compare à elle, elle fait je suis grande. Ah non, mais c'est très j'ai des grandes jambes. Ça compare à Mimi Mati, ouais. Elle est toute petite. Non, mais j'aime bien regarder cette émission, ça me rend heureux, c'est léger, c'est bébête. C'est bébête. C'est super. Non, mais c'est vraiment aussi, j'aime bien regarder des trucs bébêtes parfois. Voilà. Ah, le petit caca du matin me rend heureux. Vous avez des petits bonheurs sympas. Faut trouver son bonheur dans les trucs qu'on fait. Cédric, tu dois être heureux 10 fois par jour si t'es comme Blue. Ah non, moi c'est pas ça qui me rend heureux, c'est manger. Manger te rend heureux. Ouais. C'est vrai. Cariole, qu'est-ce qui te rend heureux? Ton chien. Mon chien. Ton chien. Mec. Mais plus ton chien que ton mec ou? Je vais pas le dire ici parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Mon mec. Et le chien. Mon mec passe avant. Bien sûr. De toute façon, le chien entend pas, il est sourd. Oui. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vous avez un animal, ça peut vous rendre heureux. Bon, qu'est-ce qui te rend heureux? Cariole, évidemment. Je parlais d'animal. On est en plein dedans. Non, moi sinon, c'est de penser aux vacances. Quoi. Les vacances, ça rend heureux, c'est vrai, de partir en vacances. C'est vrai, ouais. Le soleil, la paix, tout ça, c'est super. Et ce qui, l'acteur qui rend les Français heureux, enfin la personnalité qui rend les Français le plus heureux, c'est Omar Sy. Ah oui, il est sympa, c'est vrai. C'est vrai, quand tu le vois à la télé, il y a du bonheur qui ressort. Il a un beau rire. Ah oui, il faut le dire. C'est vrai. Karim, tu nous as pas dit ce qui te rendait heureux? Par exemple, aujourd'hui, là, je vais aller chez mes parents. Oui. Et quand je vais chez mes parents, je repars toujours avec une gamelle. T'es content de récupérer ta gamelle? Ouais, gamelle de croquettes, ils sont gentils. Et de pâté, attention. Il y a beaucoup d'animaux dans le bonheur. Ouais, le bonheur. Ouais. Moi, c'est mon amour, nos doudous, la bonne santé de mes parents, les enfants, tout ça, ça rend heureux. Faire de la moto pour Johan. Aller retrouver ma meuf encore. Rendez-vous avec ta meuf. Et les filles, vous nous rendez heureux, les gars, et vice versa d'ailleurs. Bah oui. Ouais. Faire l'amour au réveil le matin pour Kader, ça rend heureux. Ah ouais, c'est sympa. Et ouais. Donc Omar Sy rend les Français heureux. Et bien ce matin, on va proposer aux Français d'aller faire l'amour parce que l'amour rend heureux. Vous l'avez vu dans les messages. Terriblement. Oui. Et bien c'est notre petite contribution au bonheur de la France. Voici donc le French Test spécial love ce matin. Vive le love, vive la France. Vive les Français et appelons-les tout de suite, c'est parti. Le French Test sur Skyrock. Attention. Allô, allô. Allô, Manuel. Non, c'est sa femme. Ah, bonjour ma chérie. Comment vas-tu? C'est qui? Eh ben oui, c'est qui? C'est le bonheur qui vient de sonner à ton téléphone. Si, ne rigole pas. C'est le bonheur qui vient de sonner à ton téléphone. Je t'appelle pour t'offrir une matinée d'amour, une matinée de sexe, toi et moi. Ma chérie, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais c'est pas une connerie, c'est pour te rendre heureux. On a eu un sondage là, et les Français ils sont heureux quand ils font l'amour. Mais bien sûr. Mais je t'assure, fais l'amour plus souvent, ma chérie. Mais oui. On fait ce qu'on peut. Mais justement, moi je me suis dit, je suis tellement bon que je vais te rendre service ce matin. J'arrive, je passe sous la couette, on fait des galipettes et c'est la folie. Waouh. Mais surtout, mets-toi bien en action. Hein. Mais je suis déjà en action, rien qu'à entendre ta voix, tu sais que ça me fait un effet de fou ce matin. Je suis bien contente, alors dites donc. Eh ben moi aussi, je suis tellement contente. Ça pourra bien te masturber. Si tu peux prendre service, ça peut être sympa. T'as une main à 5 doigts, non? J'en ai même 2, tu sais. Ben alors, tu veux faire d'un côté et de l'autre? Oui, j'ai même 2 pieds. Ouais. Oh, incroyable. Avec 5 doigts. Une langue. Avec 5 doigts sur chaque pied. Ouais, mais je suis pas assez souple pour la langue. T'as une bouche, donc tu dois être souple. Oui, non, pas. Non. Pas assez. Pas assez. Donc je vais venir, on va s'occuper de tout ça, on va passer une super matinée ensemble. Et quand tu veux. Eh ben j'arrive. Eh ben je t'embrasse, ma chérie. Mais moi aussi, je t'embrasse dans le cul. Mais oh! Que d'amour! Ça y est, c'est l'amour entre nous. Aïe, aïe, aïe. C'est l'amour, le love. Vive le bonheur, vive l'amour et on t'embrasse. C'est l'extase. L'extase. Waouh! Vous entendez, c'est l'extase, elle l'a dit. Ah, bah oui, mais complètement. On t'embrasse, ma chérie. Bisous, bisous. C'est ça, bisous, bisous. Bisous, bisous. Voilà. Ça me fait plaisir d'avoir fait du bien ce matin. Ah ouais. 6h-9h. On est chaud. Le morning de Default sur Skyrock. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it anymore.

Marié, 4 enfants, contre la légalisation du cannabis. Non, je crois pas, non, j'ai pas 4 enfants. Vous aimez Johnny, Mylène Farmer et Goldman? Là, vous voyez, là, vous commencez à me gonfler, là. Vous la voyez comment, la suite? Là, arrêtez, parce que sinon, je vais appeler les flics. J'ai appelé les flics, j'ai votre numéro, là, qui s'est affiché. En tout cas, vous avez de l'ambition. Ouais, non, mais là, je crois que vous poussez le bouchon un peu trop loin. Loser. Non, pas du tout. Là, c'est une blague, là. Imaginez, vous êtes Johnny Hallyday. Je crois que vous me prenez pour un con, là. Aïe, la boulette. Tu comprends pas, là, je crois. Mais de quoi? Que tu comprends pas? Que tu me gonfles les couilles. Tu le vois? Ça, tu le sais? Et la morale de cette histoire? Non, mais... t'es en face, mon pauvre, je t'éclate la gueule. Merci beaucoup. Ouais, non, mais merci beaucoup. Tu vois, j'ai ton numéro qui s'est affiché, là. Eh bien, tu sais quoi? Je l'envoie au flic. Alors, ça fait 1 an et demi que vous faites du rap, c'est vrai? Enculé. Je crois que tu m'as mal compris, là. Vaut mieux que tu raccroches. Et dépêche-toi, parce que je vais t'éclater, là. Je vous appelle comment? Ta gueule, je t'ai dit. Dites le plus fort! Vaut mieux que t'arrêtes, sinon j'appelle les flics de suite. Vous êtes contre la légalisation du cannabis? Ouais, ben j'en ai rien à branler. Rappeur qui ne fume pas de cannabis? Non, c'est toi qui fume. Alors vaut mieux que t'arrêtes et me rappelle plus. Oula. Il y a des jours où quand ça veut pas, ça veut pas. Eh ben t'as bien raison, Yann. Ouais, ça veut pas là, ouais. Il y a des jours où quand ça veut pas, ça veut pas. Donc il s'appelait pas Nicolas, il s'appelait Ta Gueule, hein. J'ai bien retenu le message. Et les femmes sont déchaînées ce matin, mais elles hurlent derrière le téléphone. Nico, du calme. Calme-toi, Nico. C'était Nicolas réveillé par Yann Barthès ce matin. 6h-9h, le morning de Difool sur Skyrock. Du beurre.

Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Bonjour Omar. Je vous jure, c'est pire qu'une garderie ici. Je suis pas une mère poule. Vous entendez Omar Sy, où est-ce qu'on l'a chopé? Qu'est-ce que c'est? Savoir, moi. C'est un film, c'est qui va être le premier? Je vais y aller. Moi. Non, c'est François le premier qui a donné la bonne réponse. François en direct de Calais. Salut François. Salut l'équipe. Salut à toi. Salut. Alors où est-ce qu'on a trouvé Omar Sy? Sur Angry Birds. Angry Birds, sur la bande-annonce du film qui sort au ciné après avoir trusté nos téléphones portables, nos smartphones, tout ça. Ouais, Angry Birds, c'est l'oiseau que tu balances dans une catapulte pour casser des trucs. C'est super l'oiseau quand tu le balances dans une catapulte. Bon François, tu as trouvé la bonne réponse. Tu mets 300 euros sur ton compte, mais attention, il faut les garder maintenant les 300 euros. Eh oui, comme tu le sais François, chaque seconde, on enlève 10 euros. C'est l'heure du... Chronotune. Le Chronotune. Tu sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Alors, le chronotune, je vais te poser une question. 30 secondes pour répondre à la question. T'es prêt, François? Ouais, je suis prêt. Il faut me donner 5 noms de volatiles. Autrement dit, des bestioles qui volent, mais pas des insectes. Alors, attention. C'est parti, 30 secondes. Des moineaux, des hirondelles. Oui. 2. Il en reste 3 à trouver. Des pigeons. Oui. 3. Des tourterelles. Oui. 4. Et des hérons. Ah oui. Ben oui. Ah ben le héron sur son arbre perché tenait dans non, son bec. C'est le corbeau. Ah oui, non, merde. Mais c'est... Héron, petit pas de tapon. Ah oui, merde, excuse-moi. Eh ben, ça fait 22 secondes, il reste 22 secondes, ça fait 220 euros. Bip, bip. Bravo. Ah, cool. Merci. 220 euros. Bien, tout hein. Ça grâce à Angry Bird. Bravo. Ça, c'est la musique. Ouais, c'est cool. Félicitations, François. 220 euros, tu vas pouvoir te faire un petit plaisir avec ça, quand même. Ah bah oui. Ouais, bah, ça tombe bien, nickel. Très bien. On te souhaite une belle journée à Calais. Tu vas travailler, tu fais quoi ce matin? Ouais, je suis au boulot, là. Je suis avec le collègue. On vous écoute dans le camion. Salut le collègue, salut le camion. Salut le camion. Bah oui. Bah attends, c'est important. Ah, le camion diffuse Skyrock avec l'autoradio. Et... Ah oui. Il ne peut pas répondre, le camion klaxonne un petit coup. Ah. Bonjour le camion. Ah, bonjour. Bonjour le camion. Bon, bah 220 euros, comme ça, qui débarque direct à la maison. On t'envoie ça à Calais, on te souhaite une belle journée, François. C'est gentil, merci. 6h-9h, parti pour le morning de Difool. Difool, The morning show. Le morning de Difool, c'est tout de suite sur Skyrock. C'est tout de suite avec le son de Mike Posner, qui arrive tout de suite avec Tokyo Pellini, Ibiza, le gros carton Skyrock. On est lundi matin, bonjour, bon réveil à vous tous. Il est pile poil 6h30 le lundi 27 juin, la toute première du Morning Best. On se fait l'année de Difool et Romano. On a passé une année de dingue avec toute l'équipe du Morning de Difool. Et pendant 3 semaines, tous les matins entre 6h et 9h, on va se faire tout ce qui vous a fait le plus marrer. On va parler de la liste des objets que l'on perd le plus souvent. Est-ce que ça vous arrive souvent de perdre des trucs? On en parle juste après l'actu et le sport. Je vous rappelle également qu'on aura l'iPad mini aussi à vous offrir ce matin. On en reparle dans moins d'une demi-heure. Et là, l'actu et le sport, on y va. C'est parti Rémi, on débute avec des nouvelles du temps. Ouais, bah encore une fois, le temps s'est un petit peu coupé en deux aujourd'hui. Hein. Le ciel est dégagé et ensoleillé sur le sud et à l'est. Par contre, eh bien, nuages et averses localisées encore une fois au nord de la Loire. On est le 27 juin, on espère quand même que ça va aller mieux dans les prochains jours. Les températures ce matin, 10 degrés au Puy-en-Velay, 11 à Metz, 12 à Saint-Etienne et à Lille, 13 à Orléans et à Strasbourg, 14 à Lyon, 15 à Paris, 18 à Toulon et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 au Havre, 20 à Lille et à Beauvais, 21 à Paris et à Rouen, 22 à Poitiers, 23 à Strasbourg, 25 à Toulouse, 27 à Marseille et à Lyon et 30 du côté d'Avignon. Et puis la pollution, on respire bien en ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Lyon, Marseille, Nice et Ajaccio. Il y aura aussi Soprano, Nekfeu, il y aura Ken Jones également et l'horoscope de l'amour. Et là, c'est parti pour l'actu. Et finalement, c'est oui, à plus de 55%, les habitants de Loire-Atlantique se sont prononcés en faveur du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Plus d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes pour cette consultation unique en France. Manuel Valls estime que la démocratie a parlé. Le Premier ministre veut aller vite dans ce dossier vieux de plus de 50 ans et faire commencer les travaux cet automne. Les opposants n'ont pas dit leur dernier mot et dénoncent une mascarade. La mort d'un jeune homme de 25 ans hier à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Il a reçu 2 balles dans la nuque samedi soir et se trouvait dans un état jugé désespéré. La victime était connue des services de police, mais rien ne prouve pour l'instant qu'il s'agisse d'un règlement de compte. Une enquête est en cours. Ils sont 2 500 000 à se mordre les doigts. Une pétition demande purement et simplement l'organisation d'un deuxième référendum au Royaume-Uni. Il y a les pro-Europe, bien sûr, mais aussi et surtout les électeurs qui regrettent leur vote. Ils estiment n'avoir pas été bien informés. Sur le plan politique, François Hollande veut un divorce rapide. Angela Merkel est un petit peu plus mesurée. Le président et la chancelière allemande vont en discuter aujourd'hui à Berlin avec le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. Ils essaieront d'être sur la même ligne avant un sommet prévu demain à Bruxelles. Une victoire très timide mais qui pourrait permettre à Mariano Rajoy de créer un gouvernement. Cela fait 6 mois que la situation politique est bloquée en Espagne. Les électeurs étaient appelés aux urnes hier pour élire les députés. 33% des voix pour les conservateurs avec plus de sièges, même si la majorité n'est pas encore acquise. Le Parti Socialiste reste la deuxième force politique du pays. En revanche, surprise pour Podemos qui ne progresse absolument pas. Du sport et du foot avec des Bleus qui ont frôlé la catastrophe hier. Les hommes de Didier Deschamps ont été menés 1-0 pendant toute la première mi-temps contre l'Irlande du Nord avant de renverser la vapeur. Victoire 2-1 grâce à un doublé de Griezmann. Merci Antoine Griezmann. Payet carrément lui a fait un petit bisou sur les pieds. Donc ça voudrait vraiment dire que Griezmann est un sauveur. L'équipe de France est donc en quart de finale et affrontera le vainqueur du match Angleterre-Islande prévu donc ce soir à 21h. Le rendez-vous est fixé déjà à dimanche prochain. L'Allemagne n'a eu aucun problème contre la Slovaquie, s'impose 3-0. Promenade de santé également pour la Belgique qui a laminé la Hongrie 4-0. À suivre aujourd'hui le choc entre l'Italie et l'Espagne, ce sera à 18h. Et puis la fin de la Copa América, victoire du Chili pour la deuxième fois consécutive. Les Chiliens qui ont battu l'Argentine de Messi après une séance de tir au but, pas de chance les Argentins. Ça fait 3 fois qu'ils perdent la Copa América en finale. Ok, et Angleterre-Islande, on vivra ça en direct, la radio libre en direct tout à l'heure à partir de 21h. Et yep. Toi aussi Rémi, les infos live en direct parce que ça serait compliqué à enregistrer. On va te retrouver tout à l'heure. Faudrait être voyant pour faire ça. Bon, tout à l'heure Rémi. À tout à l'heure. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning show. Morning best. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling. All I know are sad souls. Sad souls. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. Tukpilini Biza, le son de Mike Posner sur Skyrock. 6h37, le Morning Best, la toute première. On se refait les meilleurs moments du Morning de Difool, tout ce qui vous a fait le plus marrer tout au long de l'année. On se met un nouvel épisode maintenant et le diable ne s'habille plus en Prada. Il y aura Soprano, l'horoscope de l'amour et le son Aga de Dancehall de Ken Jones aussi qui se prépare sur Skyrock. On va parler des objets qu'on perd tout le temps, tout simplement parce qu'on est tombé sur une petite histoire. C'est un boulanger qui a cuit son pain. Bon, le mec après avait perdu ses lunettes. Il ne les trouvait plus. C'est vrai, quand tu perds tes lunettes, tu vois plus rien. Donc pour les trouver, c'est pas facile. Bon, il les a retrouvées grâce à une cliente qui a mangé du pain. Elle a retrouvé des lunettes à l'intérieur. J'espère qu'elle s'est pas cassée une dent. Écorché la bouche aussi, parce que tu croques dans le verre, ça peut être dangereux, fais attention. Attention. Donc, le mec avait perdu ses lunettes dans le pain. Ah bah, c'est bon, bonne nouvelle, il les a retrouvées. Tout heureux de les retrouver, mais qu'il en a de la chance. Ah ouais. Bravo à lui. Alors, on parle des objets qu'on perd régulièrement le matin ou à d'autres moments. Vous avez pas remarqué, c'est toujours dans des moments où t'es pressé, genre le matin quand tu dois aller au boulot, que tu perds c'est un vrai truc important, genre tes clés. Moi, c'est les clés. Ah ouais, les clés, aussi, ouais. Clés de voiture, clés de maison, faut les laisser sur la porte. Ça, j'ai trouvé la solution. Avant, je les perds. Maintenant, je les laisse sur la porte, comme ça je les perds plus. Bah voilà. Pas les clés de voiture, j'ai essayé de les faire rentrer dans la serrure de la porte, ça rentre pas. Non, j'ai essayé, mais ça. Ah, il faut te mettre une chaîne. Oui, une chaîne comme les loubars à l'époque. C'est ça, ouais. Une chaîne de loubars, t'accroches toutes tes clés dessus et t'as ton paquet de clés, comme ça tu les perds pas. Et une petite chaîne pour les lunettes aussi. Et des chaînes de partout, voilà. Tu mets. Ah, ouais, la petite cordelette à l'ancienne là. Comme ça, t'oublies rien. Comme ça, tu les as autour du cou quand tu les mets pas. Mon père, il a ça, il est content, il les a toujours. Pas con comme idée. Non, les clés, c'est ce que vous perdez le plus là pour l'instant. En tout cas sur les messages que vous nous laissez. Abdeluche du Calvados nous dit: moi je perds souvent mes clés. Ah, pauvre Gary 75015 dans le 15e à Paris qui nous fait: moi je perds mes clés et mes copines. Ah, ça arrive parfois. Ça arrive souvent. Les télécommandes de la télé, je passe mon temps à les chercher, nous dit Niam Show là sur les messages. Ah, elles se coincent peut-être entre les coussins du canapé. Oui, ouais, ça peut se cacher parce que c'est traître à une télécommande. Méfiez-vous, ces trucs, ces traîtres, ça se cache un petit peu partout dans les trucs du canapé. Comment t'appelles ça? Bah dans les coussins. Entre les coussins, c'est ça. Mais entre voilà. Les coussins du canapé. Qui a déjà perdu sa télécommande? Smaïn? Oui. Ah bah tiens. Voilà. Salut Smaïn. En voilà un qui a perdu sa télécommande. Smaïn en direct de Arles dans le 13. Salut Smaïn. Salut. Salut à toi. Ça va bien. Ça va bien. Tu perds beaucoup de trucs toi, Smaïn? En général non, surtout la télécommande, ouais. Ah, toi aussi t'as des problèmes de télécommande. Saloperie de télécommande, ça se cache, hein. Non, ça se cache dans les coussins, hein. Entre les coussins, moi, ma mère, elle me disait un jour tu vas perdre ta tête. Donc la télécommande, ouais. Tu perds rien d'autre. Pas de clé, toi? Non, en général les clés, non, toujours dans la poche. Et voilà, le plus souvent c'est les télécommandes, puisqu'il y en a plusieurs. Il y a celle de la poche. C'est vrai que c'est un bordel, il faut avoir plein de télécommandes. Oui, c'est vrai, moi j'en ai trois des télécommandes pour regarder la télé. Trois. La voilà, box, la télé. C'est chiant à chaque fois de trouver la bonne, on ne trouve jamais la bonne. Et le son aussi. Ah, je voulais faire un petit bisou à Gwini. Bonjour Gwini, merci pour ton petit message. Moi, c'est mes gosses que j'aimerais perdre, mais ils me retrouvent toujours, lol. Merci à toi Gwini, on te fait un gros bisou. Laisse-les peut-être plus loin de chez toi. Oui, peut-être. C'est un endroit qu'ils connaissent pas, genre au fond d'un bois ou. Tiens, Biba 91 PSG qui nous dit: je perds la télécommande de la télé, moi aussi, tu vois. Vous êtes solidaires les uns les autres, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et Sofiane, il est où? Il est à Tremblay. Bouge pas, reste avec nous, Smaïn. On prend juste Sofiane en ligne. Sofiane, salut à toi. Ouais, salut. 20 ans, salut. Sofiane, oui, ça va, et toi, tranquille? Ouais, tranquille. Alors, qu'est-ce que tu perds souvent, toi, Sofiane? Moi, c'est les clés de voiture, ça me rend fou. T'en as perdu combien des clés de voiture? Est-ce que t'as fait le compte des clés de voiture que t'avais perdues? Bah, j'ai dû même refaire faire des clés de voiture. Ah oui, toi, ouais, d'accord. Et ça, combien ça coûte? Ça coûtait bien cher. Ça coûte cher. Ouais, 250€ j'avais payé. Ah ouais, quand même. Ouais, mais ça m'étonne pas, c'est déjà une clé d'appart ou de maison, ça coûte bien cher. Si t'as une serrure un peu évoluée, alors j'imagine la clé de bagnole avec l'électronique dedans. Ah, est-ce qu'il faut la programmer et tout, ça coûte bien cher. Ah oui, 250 balles, ça te fait mal au cul quand même. Donc faites attention. Et je vous rappelle que si vous êtes boulanger et que vous nous écoutez ce matin, ne perdez rien dans le pain, parce que bon, ça peut se retrouver quand on a de la chance. Mais sinon, vous pouvez vous retrouver mal avec les clients. D'ailleurs, justement, on a quelques petits problèmes avec nos boulangers qu'on va appeler tout de suite là maintenant. Merci Sofiane. Bah, de rien. Et attention à tes clés de voiture. Oui, attention à tes clés. Dommage que les porte-clés Skyrock, on t'en a renvoyé un, tu vois. Bon, on va t'offrir le t-shirt Skyrock, ça on en a par contre. Bah, tu pourras l'accrocher à tes clés de voiture. Voilà. Ça sera joli. Bah, magnifique. Et même chose pour toi, Smaïn, on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison à Arles. Merci tous les deux. Ah, merci beaucoup l'équipe. Salut Smaïn, oui, salut Sofiane. Salut les gars. Et direction la boulange tout de suite sur Skyrock. Le French Test sur Skyrock. Le French Test dans les boulangeries, c'est parti. Et c'est parti, où donc, Cédric? À la boulangerie. Oui, mais elle a un nom, un nom, un pas de nom. Non, j'ai pas de nom. Un pas de nom, la boulangerie. Bon, on file donc à la boulangerie. Très très belle boulangerie, avec une très très belle boulangère qui nous attend, j'espère. Mais sans j'espère. Nom, malheureusement, elle n'a pas de nom, la pauvre boulangerie. On n'a pas de nom à offrir, on a plein de cadeaux à offrir dans le morning. Mais pas de nom pour les boulangeries, non. Malheureusement. Mais on l'embrasse quand même. Ça me raccroche. Mais non, on est là. Ah, bon, pardon. Bah oui, on a eu un problème de téléphone, dis donc, ça n'arrêtait pas de couper le téléphone. Oui. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien, très bien. Je vous appelais pour savoir si vous n'aviez pas perdu une paire de lunettes. Bah, vous êtes qui? Ah, bah je suis un client. L'autre jour, j'ai mangé une baguette et il y avait une paire de lunettes dedans. Je l'ai acheté chez vous, un magnifique baguette, hein, bien belle. Mais. En mangeant la baguette un moment, je croque dedans, je sens un truc dur à l'intérieur. Vous plaisantez ou quoi? Ah bah pas du tout ma bonne dame. Bah, je comprends pas. Est-ce que vous avez pas un de vos boulangers, un de vos apprentis qui a perdu une paire de lunettes? Attendez, je vous passe quelqu'un. Allez, passez-moi quelqu'un. Ah. Merci beaucoup madame. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le mari de la boulangère? Comment? Vous êtes le mari de la boulangère? Non, pas du tout. Ah, parce qu'elle était charmante, hein, votre boulangère que j'ai eue, là. Non, il n'y a pas de mari de la boulangère ici. Ah, il n'y a pas de mari. Bon, c'est pas ça que je cherche. Hein. C'est juste pour vous informer qu'on avait trouvé une paire de lunettes dans une baguette, chez vous. Oui. Eh ben oui, ben, on voulait savoir si c'était pas les vôtres. Ouais. Ah ben si c'est les vôtres, dans ces cas-là, on peut vous les ramener. Écoutez, monsieur, je vais vous dire, vous me donnez votre nom, votre adresse, et puis je vais à la gendarmerie porter plainte. Ah ouais, directement. Très bien, très bien. Ben, c'est vous qui les avez fait tomber dans votre repas, les non, lunettes, non, on vous monsieur, les a pas volées. Non, hein. Pas du tout, monsieur. C'est nous qui allons porter plainte, monsieur. Donc, votre adresse. Alors, je vous passe un ami à moi qui s'est cassé les dents sur vos lunettes, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, c'est nous qui allons aller porter plainte. Vous n'avez pas à mettre de lunettes dans vos baguettes. Il y a personne qui porte des lunettes dans la boulangerie. Ah bah évidemment, monsieur. Il les a perdus dans la baguette. Ah, alors oui. Comment voulez-vous qu'on fasse? La prochaine alors fois. Vous avez dû vous avoir trompé de boulangerie. Ah non, non, on n'a pas cru savoir tromper de boulangerie. Non, on ne vient que chez vous. Il est tellement bon, votre pain est tellement bon. Ah oui, il est bon, mais alors là, avec les lunettes. Alors, je sais pas qui c'est qui porte des lunettes. Il n'y a personne qui porte des lunettes. Ah, c'est normal, il les a perdus. C'est pas la boulangère. Ou alors, ça vient peut-être du moulin dans la farine. Il y a un au moulin qui a perdu ses lunettes. Ah bah écoutez, vérifiez quand même auprès de votre moulin dans la farine, comme vous dites. Et puis sinon. On va demander de voir le directeur du moulin, puis on va expliquer le cas. Hein. Très bien. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites du pain, je sais pas, il y a du pain aux figues, du pain aux olives. Marquez pain aux lunettes, comme ça les gens seront au courant. Ah oui, monsieur, pas les dents oui, d'accord. Ou sinon, s'il y a un pain qui voit mal, mettez-lui une paire de lunettes, il ira mieux. Exactement. Bon, on va arranger ça. Hein. Vous avez un pain myope, par exemple. Hein. Bon ben bah, très bien. Bah, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, monsieur. Ah ben bah, j'ai quand même le bras. Oui, c'est le bras. Bonne journée. Vous savez, il y a pas de personnel qui porte de lunettes à part la serveuse. Ah ben bah, c'est peut-être la serveuse. Ah, femme, ça va être elle. Femme à lunettes, femme à quéquette. Ou elle a peut-être mis ses lunettes dans une baguette. Ah et ben on voilà. Elle sabote. Elle s'est trompée. Elle a cru que c'était son étui à lunettes. Elle l'a mis dans la baguette. Oui. Ah. On a déjà entendu beaucoup de choses, mais ça... Menez l'enquête, hein. Eh oui, menez l'enquête. Bon, mais on va faire une enquête là-dessus, monsieur. Eh bien, bonne journée à vous, bonne au journée, revoir, la boulange. Au revoir. Au revoir. Eh ben voilà, affaire gérée. 6h-9h, The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le job s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leurs morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève. Découvert Skyrock, le diable ne s'habille plus en Prada. Soprano sur Skyrock, Sopra qui prépare un grand concert Skyrock au stade Vélodrome en 2017. Les premiers billets sont déjà en vente. 6h48, le Morning Best. La première du Morning Best avec dans quelques secondes Difool qui va vous donner le classement des joueurs de foot qui vendent le plus de maillots. Pour le son, il y aura Ken Jones et Nekfeu. Votre horoscope de l'amour aussi, c'est dans 55 secondes. Si le canapé, je mettais plutôt ici et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là et la lampe ici. Voilà, il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez Ikea. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. Ikea. Dans la limite des stocks disponibles. Chérie, pour les vacances, t'oublie pas qu'on prend ma mère. Ça, je suis pas prêt de l'oublier. Quoi? Je disais, j'emmène la voiture chez Euromaster. Ta mère sera plus tranquille. En plus, ils font des super remises. Alors là, je te tire mon château. Eh oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Profitez d'offres expertissimes sur les freins, la clim, la révision et la vidange avec Bosch et Shell. Euromaster. Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 21 août. Conditions sur Euromaster.fr. Ouais, ouais, ouais. Les meilleurs moments du Morning de Difool. Morning Best. 6h-9h sur Skyrock. Le Morning Best, il est 7h-10. C'est parti sur Skyrock pour votre horoscope de l'amour. Juste avant de retrouver Difool et Romano, on est le lundi 27 juin. C'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les lions et pour les scorpions avec l'envie de tout envoyer chier. 1 sur 5, les gémeaux et les vierges et votre ego qui se retrouve un petit peu froissé. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les béliers et pour les sagittaires. Si quelqu'un vous ignore ou vous snob, laissez tomber et passez à la suite. 3 sur 5, les balances et les poissons. Et pour certains, un plan cul qui pourrait commencer à devenir un petit peu sérieux. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les taureaux et pour les cancers et votre désir sexuel qui ne cesse de s'accroître. Et enfin, les capricornes et les verseaux euphoriques comme l'équipe de France. Vous allez enfiler les buts, les capricornes et les verseaux. C'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. On reste dans l'ambiance euro. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on débriefera le match en direct ce soir, la radio libre en direct. Cédric, Difool, Romano à retrouver sur Skyrock à partir de 21h. Là, c'est les meilleurs moments du morning. Difool et Romano à retrouver maintenant et le son de Ken Jones aussi, nouveau son Ragga Dancehall. On va parler grosse monnaie maintenant, fashion et foot avec le top 10, c'est la compile du jour. Le top 10 des joueurs qui vendent le plus de maillots. Et ben moi je me serais trompé, je vois d'ailleurs Coco Bello, tu fais bien rigoler parce que t'as fait la même erreur que moi. Bonjour l'équipe, je suis certain que c'est Cristiano Ronaldo le premier. Bonne journée à vous tous, bonne journée à toi Coco Bello, bon réveil. Et bien non, c'est pas Cristiano Ronaldo le premier. Ah bah c'est l'autre alors. J'aurais été sûr que c'était lui. Et l'autre c'est qui? Bah Messi. Bonne réponse Romano. Eh ben voilà. C'est Messi qui vend le plus de maillots, qui a vendu le plus de maillots pour cette saison. Il en a vendu plus de

belle fille quoi. La seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû, je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des seules à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû, cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné, maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite boule. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est elle qui quoi. Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est elle qui quoi. Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. C'est commencé. Quand le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la White Weed. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné, maintenant je bats. Mais c'était pas la White Weed. J'ai fait du mal à ma petite. Nekfeu est l'un de ses groupes, le groupe Escrew. C'est j'aurais pas dû, c'est seulement sur Skyrock. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. 7h02, vous êtes tous les bienvenus. Nouvelle journée qui débarque, qui démarre. Nouvelle semaine, le Morning Best à la toute première. Les meilleurs moments du morning de Default. Tout ce qui vous a fait le plus marrer pendant l'année avec les conseils pas chers de Romano. Romano qui va vous expliquer comment profiter de l'euro pour gagner de l'argent. Pour le son, il y aura Calvin Harris et Rihanna avec This Is What You Came For, B.O.B. ou encore Jules. Il y a l'iPad mini également à gagner ce matin sur Skyrock. À partir de maintenant, notez bien tout ce qui se passe dans l'émission. Tout à l'heure à 8h moins le quart, je vais vous poser une question. Le ou la plus rapide à trouver la bonne réponse repartira avec son iPad mini. Notez tout ce qui se passe. Et là on y va pour l'actu et pour le sport. C'est parti Rémi, le temps pour aujourd'hui. Bah écoute, c'est pas terrible encore. En tout cas si on est au nord de la Loire, hein, pas mal de pluie, de nuages également aujourd'hui. Ça ira mieux dans l'après-midi sur la Bretagne et la Normandie. Par contre, plein soleil là dès ce matin sur le sud et à l'est du pays. Les températures ce matin, 10 degrés à Charleville-Mézières, 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Lille et à Beauvais, 13 à Nantes, 14 à Bordeaux et à Lyon, 15 à Paris, 18 à Nîmes, 19 à Marseille. Et dans l'après-midi, il fera 18 à Cherbourg, 20 à Brest et à Lille, 21 à Nantes et à Paris, 22 au Mans, 23 à Tours, 24 à Bordeaux, 25 à Limoges, 27 à Marseille et à Lyon, 29 à Perpignan et 32 du côté de Montpellier. La pollution, on respire bien en ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Lyon, Marseille, Nice et Ajaccio. On prépare le jeu des 1 500 €. C'est juste après l'actu. Et une annonce de taille dans le milieu du ballon rond là qui vient tout juste de tomber après la retraite internationale de Zlatan. C'est un autre très grand nom du foot qui annonce qu'il ne jouera plus avec son équipe nationale. Lionel Messi, 29 ans, met un terme à son aventure avec l'Argentine. Le petit prodige du Barça vient d'en faire l'annonce alors que son équipe a perdu en finale de la Copa América contre le Chili. Il a déclaré, je cite, « La sélection pour moi c'est fini, c'est la 4e fois que je perds la compétition et la 3e fois d'affilée. Score final 4-2 à l'issue des tirs au but. Il ne jouera donc pas la Coupe du Monde dans 2 ans, à moins qu'il ne change d'avis d'ici là. Et puis on parlera bien sûr du reste du sport à la fin des infos. Un tag qui provoque une polémique à Grenoble. On y voit deux policiers anti-émeutes qui s'apprêtent à frapper Marianne alors qu'elle est au sol. Le problème, c'est que cette fresque a été réalisée dans le cadre d'un festival subventionné par la mairie. Levée de bouclier des syndicats de police qui poussent Bernard Cazeneuve à intervenir. Le ministre de l'Intérieur a affiché son plein soutien aux policiers qui protègent chaque jour les Grenoblois. La mort d'un jeune homme de 25 ans hier à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Il a reçu 2 balles dans la nuque samedi soir et se trouvait dans un état jugé désespéré. La victime était connue des services de police, mais rien ne prouve pour l'instant qu'il s'agisse d'un règlement de compte. Une enquête est en cours. 11 blessés, dont 9 enfants en Écosse. Scène traumatisante hier dans un parc d'attractions. Le wagon d'un grand 8 a déraillé et a fait une chute de 9 mètres. L'accident s'est produit dans un virage. Le manège appelé Tsunami Ride enchaîne boucle et looping pendant 650 mètres à une vitesse de 65 km/h. On ne connaît pas précisément la nature des blessures des victimes. Le déclic en une du Parisien, libéré pour l'équipe. Les deux quotidiens affichent le visage du sauveur des Bleus, Antoine Griezmann. Les hommes de Didier Deschamps ont été menés 1-0 pendant toute la première mi-temps contre l'Irlande du Nord, avant de revenir 2-1 grâce à un doublé de l'attaquant de l'Atlético Madrid. L'équipe de France est donc en quart de finale, ça y est, et affrontera le vainqueur du match Angleterre-Islande prévu donc ce soir à 21h et à suivre en direct dans la Radio Libre. Le rendez-vous est fixé dimanche prochain. L'Allemagne n'a eu aucun problème contre la Slovaquie et s'impose 3-0. Promenade de santé également pour la Belgique qui a laminé la Hongrie 4-1. à 0. À suivre aujourd'hui également le choc entre l'Italie et l'Espagne. Ce sera à 18h. Et puis, quel est le rapport entre Nice et Southampton? Vous verrez, on en parle tout à l'heure à 7h30. Le rapport entre Nice et Southampton? Ouais. Ok, d'accord. Ça marche. Merci. Ok, ça roule. Bah, merci pour tout, Rémi. Tout à l'heure. 6h-9h sur Skyrock. Morning Best. The Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Difool. Ouais, 7h06, le morning de Difool tout au long de la saison qui vous a lâché des dizaines de milliers d'euros, le jeu des 1500 euros. Bravo à Cathy, Cathy de Bézieux dans le Nord, l'une des dernières gagnantes de la saison. Difool, Difool t'offre 1500 euros. Si tu réponds que ta radio préférée c'est Skyrock. Oui, bonjour Difool. Oh bah tiens, on est bien accueillis. On se connaît, dis donc Cathy. Oui, je t'écoute. Ah bah écoute, c'est bien Cathy. Donc ta radio préférée Cathy? Bah c'est Skyrock. Allez, c'est gagné. Allez, bah, bravo Cathy. Super. 1500 euros. Ah, merci. Toi aussi. Sois le prochain à gagner 1500 euros. Inscris-toi tout de suite sur difool.skyrock.com. Yeah, le jeu des 1500 euros qui reviendra à la rentrée tout l'été pour vous inscrire. Les conseils pas chers de Romano qui se préparent juste après Calvin Harris et Rihanna avec This Is What You Came For. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. But she's looking at you. Difool sur Skyrock. Et maintenant, c'est un bourguignon qui va tenter de gagner de l'argent. Voici les conseils pas chers. Tu nous as dit que tu voulais te faire assister par Stéphane Plaza, carrément. Ouais. T'es prêt, Stéphane? T'es ok? D'accord. D'accord, très bien. On continue? Bah oui, on va même faire les conseils pas chers tout de suite. C'est parti. Allez. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Alors, c'est les conseils pas chers. Et qu'est-ce que tu nous proposes ce matin, Romano? Eh bien, un bon business pour gagner de l'argent pendant l'euro, c'est sous-louer son appartement à des supporters. C'est vrai que c'est pas con comme idée. Ouais, c'est pas con, ouais. Bon, d'ailleurs, t'as tous les hôtels qui gueulent parce que déjà, l'euro, ils ont comme sponsor et ils ont fait un deal avec Abritel, un site un peu comme Airbnb. Les hôtels, ils sont comme des ouf. Donc, si vous êtes dans une ville de l'euro, je sais pas moi, Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lens, Paris, la région parisienne, Lille, Saint-Etienne. Ouais, eh ben, il y a moyen de se faire de l'argent. J'ai oublié quoi, il y a Rennes aussi peut-être, hein. Bordeaux, je sais pas si j'ai dit. Si Bordeaux, Bordeaux, t'as dit, ouais. Toulouse. Bordeaux, ouais. Eh bien, vous pouvez gagner de l'argent grâce à l'euro. Et donc ce matin, tu voulais Je vais proposer à des familles qui ont des appartements de leur louer leur appartement à des supporters pendant l'euro, je leur file un petit pourcentage et Stéphane Plaza va m'assister parce que c'est quand même le professionnel de l'immobilier. Très bien Stéphane. N'est-ce pas Stéphane? Bonjour. Oui, bonjour. Il faudra dire autre chose quand même. Bon, je sonne, vous m'entendez pas? Oui, non, il faut dire ça non plus. Faut être sérieux Stéphane. Hein. À quel prix vous essayez de vendre? Voilà, ça c'est très bien ça. Alors, vas-y Cédric, on appelle quoi là? Non, on va chez Jean-Louis. Jean-Louis. Il est dans quelle ville? Il est à Saint-Etienne. Saint-Etienne. Ah, Saint-Etienne qui accueille l'euro aussi. C'est ça. Eh ouais. Dans le magnifique stade Geoffroy Guichard, appelé également par les spécialistes le chaudron vert. Vert, oui, c'est vrai. Il y a une couleur. Oui, parce que nous sommes verts à Saint-Etienne. Oui. Oui, bonjour, c'est Jean-Louis. Oui, mais vous commencez à me casser les couilles là, hein. Oh, bah dis donc, Jean-Louis, pourquoi tu parles comme ça? Ah, moi, je suis de Sachameur. On a quelqu'un de Sachameur, t'es passé. Sachameur. Dis voir, Jean-Louis, t'es au courant, il y a l'euro là qui arrive, l'euro de football. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Ah, bah oui, bah, qu'est-ce que ça peut me foutre? C'est organisé, ça, j'y peux rien. Je voulais te proposer de loger des supporters chez toi contre un petit peu d'argent. Ah, oui, c'est ça. Alors, tu m'envoies 3 blondes et 2 brunes. Hein. Ah, bah très bien. Par contre, on fait 90-10 pour le pourcentage. 3 blondes et 2 brunes. Ah, oui, tu m'envoies 3 blondes et 2 brunes. Non, là, on a bien remarqué qu'on était à Saint-Etienne. L'accent était bien présent. Hein. Il est beau, l'accent. Hein. Ah, ouais. Là, on file à Toulouse. Et il était fort. On continue, oui. Il était fort sympathique en tout cas ce Jean-Louis. Ouais. Allez, vous commencez à me casser les couilles. Gérard à Toulouse. Gérard à Toulouse. Allô? Ouais, Gérard. Oui, mais qui est au téléphone là? Bonjour Gérard, la pince immobilier à l'appareil. Je travaille avec Stéphane Plaza d'M6. Tu vois qui c'est? Oui. Bonjour. Et en fait, j'avais une proposition à te faire. Là, on a beaucoup de demandes. Il y a des supporters qui voudraient venir loger chez toi pendant l'euro. Et du coup, je me suis dit, je vais l'appeler, je vais lui proposer un petit deal sympa. Tu prends 10%, j'en prends 90. Non, ça va, on est tranquille. Ah non, attends, tu loges 3-4 supporters, ça va mettre de l'animation dans la maison, ils vont vomir partout et tout, ça va être sympa. Ouais, c'est ça, justement. Ouais. Avec un peu de chance, il y aura des filles. Ils vont me finir mon whisky et tout. Ah non, mais c'est clair, ils ont très soif, les supporters, en général, ouais. On t'en met 5 ou 6 à la baraque. Attends, c'est une blague, là? Ah non, pas du tout, non. Ils sont là, les supporters. Ouais. Les bleus. Citoyen. Non, on n'est pas d'accord. Je te les amène ce matin. Non, t'en ramènes personne. Ah si, bah, je les ramène, attends. Attends, j'ai un fusil à pompe, d'accord. Écoute. Hein, pour être clair, comme ça, t'amènes personne. Si, je les amène et puis tu te débrouilles avec eux. Hein. Moi, je te dis... moi, je leur ai loué... Attends, un coup à l'air, un coup dessus, hein, c'est comme ça, le fusil à pompe. Ah non, mais bon, c'est bon, j'ai loué, hein, moi, je leur fais payer 150 euros par jour. Ouais. C'est rentable, je t'ai fait 10 euros. De toi, tu n'en pas. Des pom-pom girls plutôt. Arrête le whisky, on t'emmène les pom-pom girls si tu veux. On t'emmène tout. ils ont des très gros pompons entre les jambes. Non mais attends, qui c'est qui est au téléphone là? C'est une blague. La passe immobilier, Stéphane Plaza aussi. Hein. Et les supporters. Stéphane Plaza va. Ah, Plaza, j'étais à l'école avec lui. Ah bah tiens, il va te poser une question. On continue. De quoi? Avec les supporters. Bah oui. Non, là il faut que je me casse. Ah bah oui, et laisse les clés sous le paillasson, t'inquiète. Ouais, on les laisse sous le paillasson, d'accord. Ah bah, c'est pas venir. Ah bah c'est parfait. Bah on sera là vers 9h nous. Ouais, bah 9h il y aura plus personne. Les clés sont sous le paillasson, donc c'est parfait. Ah bah tout à l'heure. Écoute-moi mec. mec. Je t'écoute, mec. Agréable, mais il faut que je me casse, là. Ah ben, casse-toi. Comment on dit, chez nous, que le cul te pèle, d'accord? Ok, mais que le cul me pèle. Ciao, ciao. Salut, Toulouse. Ciao. 6h-9h sur Skyrock, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Difool. Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you, baby. Nothing on you, baby. Nothing on you. I know we do it here nonstop. May 31st is when the album drops. Yes, B.O.B. and I'm a Skyrock. Wish my girl what it is, you know, rock. Everywhere I go, chilling in the coast. Maybe on a boat to the East Coast. Everywhere I go, you know I'm finna float. Because I'm on the green and that is what I blow. There's so much nonsense that's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't wanna sound redundant, but I was wondering if there was something that you wanna know. But never mind that, we should let it go. It's like a Nintendo 64. Skyrock, yeah. Skyrock, c'est la famille. Beautiful girls all over the world. Time would be wasted. They got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey. But you shouldn't worry about what they say. Cause they got nothing on you. Now think about I've been to London, I've been to Paris, everywhere there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No, no, no, no. Beautiful girls all over the world. All over. I could be chasing, but my time would be wasted. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you, nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey. B.O.B. Bruno Mars sur Skyrock avec Nothing On You est très content d'être avec vous en ce lundi matin pour cette toute première, la première du Morning Best. On se fait l'année de Difool et Romano, l'année qui est passée super vite, ce qui prouve qu'on s'est bien arrêté tous ensemble dans le Morning de Difool tous les matins entre 6h et 9h, les meilleurs moments à se faire tous les matins sur Skyrock avec Difool qui vous donne l'âge des plus jeunes grands-parents du monde. Ça sera juste avant 7h30, puis je vous rappelle aussi que j'ai un iPad mini à vous offrir ce matin à l'occasion de la sortie de Conjuring 2, le film le plus terrifiant de l'été. Soyez bien à l'écoute, hein, dans une petite demi-heure maintenant. Je vous poserai une question sur l'émission. Le ou la plus rapide à trouver la bonne réponse repartira avec son iPad mini. Petit tuyau, petit conseil. On est lundi, il y en a qui ont un petit peu la tête dans le fion. C'est le début de semaine. Le lundi, c'est toujours le jour où il y a le moins de participants. Donc le jour où vous avez le plus de chances de gagner. Soyez attentifs. iPad mini dans moins d'une demi-heure. Tu m'as à sortir mes émotions. Dans le son, il y aura Jul. Faut pas qu'on me laisse Emotion de Jul, écoutez maintenant.

eh bien tu multiplies 50€ par toutes tes bonnes réponses. On va assister à ta prestation et aussi à la prestation du grand dubo Cédric. Quand on lui touche le museau, il ouvre la gueule. Mais si on jette de la nourriture, il la referme aussitôt. D'une certaine manière, il comprend que c'est ce qu'on attend de lui. Le morning de Nifoul sur Skyrock. Eh oui, attention, tu n'as pas n'importe qui en face de toi, Anissa. Anissa, c'est impressionnant, il sait manger. Oui. On va voir s'il sait répondre à plein de questions. Première question, ce sera pareil pour toi, un extrait Disney. Alors attention, on démarre le chrono après l'extrait. Exactement, je vous pose la question, écoutez bien ça. Écoute bien Cédric, c'est pour toi. Hakuna Matata. Dans quel film de Disney peut-on entendre Hakuna Matata? Le Roi Lion. Le Roi Lion, bonne réponse. Quel est l'âge surprenant de l'Indienne qui vient d'avoir un bébé pour la première fois? On en parlait hier. Non, 70, pas de chance. Dommage. Ah ouais, pas de chance. Aïe. Surnom équipe nationale, facile pour toi. Quel est le surnom des joueurs de l'équipe de Belgique de football? Les Diables Rouges. Bonne réponse. Langue française, ta spécialité, comment appelle-t-on une personne qui écrit des deux mains? Ambidexte. Bonne réponse. 3 points. Géographie, dans quel pays se trouve la place rouge? À Moscou. Dans quel pays? En Russie, pardon. Le pays Moscou. Ah, je suis désolé, c'est après le gong. Que 3 points. Non, c'est 3 points. Non, mais tu t'es planté. Tu t'es planté, 3 points. Anissa, Anissa, il a fait bien ce matin. Bah ouais, je vois ça, ouais. T'es peut-être tombé le mauvais jour, Anissa. Exactement, ouais. Alors, question Disney pour toi et on démarre le chrono juste après. Alors, attention, c'est parti. Extrait et question par Difool et je démarre le chrono derrière. Attention, celui-ci va vous rester dans la tête toute la journée. Libéré. Dans quel film de Disney peut-on entendre la ça? La Reine des Neiges. Un point. Reine des Neiges, bonne réponse. Quel est l'âge, non, quel est le mois en moyenne qu'il y a pour une femme le temps de grossesse? 8 mois. 9. Tiens. Surnom équipe nationale, quel est le surnom des joueurs de l'équipe de France de football? Une couleur? Les bleus. Oui, bleus. Oui, oui, c'est ça. Langue française, comment appelle-t-on une personne qui parle deux langues? Bilingue. Bien, géographie, dans quel pays se trouve la Grande Muraille? Chine. Langue, dans quel pays? Ah, 4 points. T'as gagné? Eh ouais, t'as gagné. Bah oui, t'as gagné. Alors attention, 200€ pour les 4 questions, plus la question de sélection, ça fait 250€. Merci, Kairos. Vous nous avez fait un beau match tous les deux. Ah, ouais. Bravo Cédric, 3 points. Merci. Mais super, super bravo, bravo à toi, Anissa. C'est 250€ qu'on t'envoie à la maison. C'est mais un beau combat. Un beau combat que vous nous avez fait. Vous nous montrez que l'intelligence prime dans le marché. L'intelligence number one on Skyrock. Oh, yeah. Et 250€. Ah bah ça c'est pour toi, on t'envoie ça à Lyon. Bah nickel, merci beaucoup. Tu vas bosser ce matin, tu fais quoi Anissa? Ouais exactement, je me prépare là, j'ai bossé, je suis chargée de recrutement dans une agence de recrutement sur. Très bien, et bah tu salues tout, tout Lyon pour nous, on t'embrasse. T'as bien représenté les Lyonnais. Merci beaucoup. Salut. Merci Anissa. Beaucoup Kédric, salut. Salut. 6h-9h, The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. C'est Tchoul sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Tchoul sur Skyrock. Rappelez R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune puis sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bas que terre qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère. Comme mes potes qu'on incarcère. Pour le stress j'y mets du mien. Je vous attends devant la mer. Trop souvent je me questionne. Est-ce que ma musique est bonne? Où sont passés les hommes? Les vrais, faut que je les raisonne. J'envoie des sons pour venir dans la mort. Je me vois partir sous se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Ne me laissez pas seul, parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups. Par le berger, je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Ces graines arrivent au hasard, donc pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos, et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter, je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là, alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes, je fais que t'as fait comme un chinois. J'envoie des sons pour venir dans la mort. Je me vois partir saoul, se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse, même par amour. En version unique pour les auditeurs de Skyrock, Jules avec Emotion. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock. Skyrock. 7h31, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end en pleine forme pour attaquer la semaine, le Morning Best, la toute première. On se fait tout ce qui déchire, tout ce qui vous a fait le plus marrer tout au long de l'année dans le Morning de Default. On a des cadeaux aussi à vous offrir ce matin, iPad mini à gagner dans moins d'un quart d'heure. Il y avait des messages, comment on fait pour avoir l'iPad mini? Notez bien tout ce qui se passe dans l'émission, je vais vous poser une question dans moins d'un quart d'heure, le ou la plus rapide à avoir la bonne réponse au 41 7 5 9, ou depuis l'appli Skyrock repartira avec l'iPad mini. On va parler des bobos, les bobos que l'on peut avoir, les petits bobos que l'on peut avoir, les douleurs les plus courantes des Français. On parle de ça juste après l'actu et le sport avec Difool et Romano. Il y aura Drake aussi. Ou encore Maître Gims avec Ma Beauté juste après l'actu le sport. C'est parti Rémi, on débute avec des nouvelles du temps. Ouais, et ben des nouvelles encore moyennes. Enfin, ça dépend où on est. Le ciel est bien dégagé, ensoleillé là dès ce matin sur le sud et à l'est. Ça va rester comme ça toute la journée. Bonne nouvelle. En revanche, nuages et averses localisées au nord de la Loire, même si ça ira un petit peu mieux dans l'après-midi sur la Bretagne et la Normandie. Les températures ce matin, 10 degrés au Puy-en-Velay, 11 à Metz, 12 à Saint-Étienne et à Lille, 13 à Orléans et à Strasbourg, 14 à Lyon, 15 à Paris, 18 à Toulon et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 au Havre, 20 à Lille et à Beauvais, 21 à Paris et à Rouen, 22 à Poitiers, 23 à Strasbourg, 25 à Toulouse, 27 à Marseille et à Lyon et 30 du côté d'Avignon. La pollution, et on respire bien en ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Lyon, Marseille, Nice et Ajaccio. L'horoscope de l'amour qui se prépare, le réveil de star d'Horatio aussi, tout ça c'est prévu et là c'est parti pour l'actu. La démocratie a parlé, c'est ce que Manuel Valls estime après le référendum hier organisé en Loire-Atlantique. Le oui l'emporte à plus de 55%. Les habitants se sont donc prononcés en faveur du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Plus d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes pour cette consultation unique en France. Le chef du gouvernement veut désormais aller vite dans ce dossier qui dure en longueur depuis plus d'un demi-siècle et donc faire commencer les travaux dès cet automne. Les opposants n'ont pas dit leur dernier mot. Les zadistes, comme on les appelle, dénoncent une mascarade. Ils disent que les dés ne sont pas encore jetés. Ils sont 2 500 000 à se mordre les doigts. Une pétition demande purement et simplement l'organisation d'un deuxième référendum au Royaume-Uni. Alors il y a les pro-Europe bien sûr, mais aussi et surtout les électeurs qui regrettent leur vote. Ils estiment n'avoir pas été bien informés sur le plan politique. François Hollande veut un divorce rapide. Angela Merkel est un petit peu plus mesurée. Le président et la chancelière allemande vont en discuter aujourd'hui à Berlin avec le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. Ils essaieront d'être sur la même ligne avant un sommet prévu demain à Bruxelles. Une question pas super utile, mais qui aura quand même le mérite de trouver une réponse. Quels sont les bonbons les plus vendus au monde? Eh bien, ce sont les M&M's qui tiennent la corde. Plus de 200 milliards de petites cacahuètes chocolatées s'écoulent chaque année. La marque fête ses 75 ans. L'idée vient de la guerre d'Espagne à la fin des années 30. Les soldats avaient comme bonbons des petites billes de chocolat enrobées de sucre. Des Bleus qui chantent faux en première mi-temps, mais qui font un récital en deuxième période. C'est le schéma que nous ont offert les hommes de Didier Deschamps hier à Lyon contre l'Irlande du Nord. Ils ont été menés à 1-0 pendant la première mi-temps avant que Griezmann marque un doublé. Score final 2-1 et une qualification pour l'écart contre le vainqueur du match Angleterre-Islande prévu ce soir à 21h et à vivre en direct dans la Radio Libre. Le rendez-vous est fixé à dimanche prochain. L'Allemagne n'a eu aucun problème contre la Slovaquie et s'impose 3-0. Promenade de santé également pour la Belgique qui a laminé la Hongrie 4-0. À suivre aujourd'hui le choc entre l'Italie et l'Espagne, ce sera à 18h. Après la retraite internationale de Zlatan, c'est un autre très grand nom du foot qui annonce qu'il ne jouera plus avec son équipe nationale. Lionel Messi, 29 ans, met un terme à son aventure avec l'Argentine. Le petit prodige du Barça l'annonce alors que son équipe a perdu en finale de la Copa América contre le Chili cette nuit. Score final 4-2 à l'issue des séances de tir au but. Il ne jouera donc pas à la Coupe du Monde dans 2 ans, à moins qu'il ne change d'avis d'ici là. Où ira Claude Puel la saison prochaine? On sait que l'entraîneur niçois va quitter les Aiglons, mais pas de réponse sur son avenir pour l'instant. La presse anglaise annonce qu'il pourrait venir sur le banc de Southampton. Rien ne fait pour l'instant, mais ce serait quand même une grosse annonce après 20 ans passés en France entre Monaco, Lille, Lyon et Nice. L'annonce pourrait être faite dans les prochains jours. Et puis le mercato qui ne va pas tarder à s'affoler. On attend la fin de l'Euro pour avoir les réponses à plusieurs questions. Mais il y a quand même de la bonne rumeur là du côté de Paris, Barcelone, Lyon et Arsenal. On en parle à 8h. Merci pour tout Rémi. À tout à l'heure. 6h-9h, Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Encore un son que Skyrock vous a passé avant les radios. One Dance de Drake, 7h38. Pour tous ceux qui nous demandent, non, Difool, Romano et Cédric ne sont pas en vacances. Vous les retrouverez bien en direct tout à l'heure sur Skyrock. À partir de 21h, on débriefera le week-end tous ensemble et notamment la belle victoire de l'équipe de France contre l'Irlande. On suivra également le match, l'adversaire des Bleus, l'Angleterre contre l'Islande. À vivre en direct tout à l'heure à partir de 21h dans la radio libre de Difool. Là, c'est le Morning Best, la toute première. En ce lundi matin, on se fait tout ce qui vous a fait le plus marrer. Tout au long de l'année dans le morning de Difool, là il y a un nouvel épisode et puis Ma Beauté de Maître Gims. Romano, tu voulais donc lancer cette opération en solidarité avec tous ceux qui souffrent ce matin. Déjà je lance le hashtag Difool a une tendinite. Pour que le monde entier soit au courant. Bah, je crois que c'était le hashtag Sauvons l'épaule de Difool. C'était long. C'est long, tu crois? Ouais. Bon, en fait, hashtag morning de Difool, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Bon, alors, Difool, j'ai trouvé un sondage sur les douleurs des Français les plus courantes. Ah, j'ai mal. Ah, ça y est. Heureusement que je souffre en silence. Oui, heureusement. Bon, il y a un message qui m'a fait rigoler. C'est Manon qui nous a envoyé ça et qui dit, Difool, il me fait penser à mon mec qui arrête pas de se plaindre. À peine, il a un pet de travers. J'adore l'expression pet de travers. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais moi, j'ai pas de trou du cul au niveau de l'épaule, donc je ne fais pas de pet de travers. Non, par contre, t'as l'épaule en vrac. Je te le dis, Manon, ouais. Et vous savez que c'est la première tendinite que j'ai dans ma vie et ça fait super mal. Ça ah fait bah mal. Ouais, je sais pas, j'ai jamais eu moi. Dites-nous quelle est la petite maladie à la con qui vous a fait super mal, parce que bon, quelque part une tendinite, hein, solide comme je suis, hein, logiquement ça devrait pas m'abattre. Bah non, ouais. Moi. Moi j'ai traîné un lumbago pendant 3 semaines. Oui, c'est vrai, il marchait le cul en arrière. Ça fait trop mal. Il était très très excitant. Hein, ah ouais, ouais, on se demande comment vraiment fait ça d'ailleurs. Ouais. J'avais un pet de travers pour le coup. Là. Oui, c'est vrai, ouais. Et pourquoi tu te moques hein, ah bah écoute, non mais il me regarde et il rit. Je souffre et il rit. Non, mais je te vois avec ton attel là. Mais... Bah oui, j'ai le bras en écharpe. Pour aller voir, il y a des photos sur les réseaux sociaux. Difool a posé. Oui, j'ai posé hier soir en souffrant le mardi. Bah écoute, Difool, ça peut te rassurer, il y a eu un sondage de fait, les Français et les douleurs. Bon, bah tu nous dis. 92% des Français interrogés ont déjà eu une douleur. Bon, on saura lesquels. Oui, bah ouais, mais t'es pas dedans. Y a pas la tendinite. Non, il y a pas la tendinite, tu vois. C'est une tendinite que j'ai. Bah oui. Non, mais c'est, je s'en sais rien, moi. Romano, c'est le médecin. Non, mais ça m'inquiète, c'est pas plus grave. Hein. Bah, non, mais logiquement, si le médecin t'a dit que c'était une tendinite, il doit connaître son boulot. Hein. Ça m'inquiète de plus en plus. Oui, mais non, mais t'inquiète pas, on va s'occuper. Préparer les numéros, ce matin, on opère Difool. Je me suis bloqué le dos en faisant l'amour. Oh, ma chérie, c'est mignon tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ça arrive des fois, ça. Envoie-moi la vidéo, comme ça je te dirai si c'est. On fera un diagnostic. Ouais, pour le petit diagnostic. Alors, Romano. Alors, les douleurs les plus fréquentes dans le quotidien des Français, parce que je vous rappelle que Difool a une tendinite. Et ben merci pour tous les messages qu'on a eus. Alors par exemple, Dr X, il a eu des hémorroïdes. Ouais, putain, ça, au moins j'y ai échappé. Non, mais j'en ai eu, moi, c'est vrai, je rigole, mais ça, c'est un truc, ça fait super mal au cul. Et un truc qui fait mal, et qu'il y a beaucoup, le mal de dos. Et c'est marrant, mais à tous les âges. Ah bah le mal de dos, tu sais, bah justement. C'est Spice Guy. Ouais, Spice Guy, lui il a 33 ans. Juste en dessous, j'ai la belle du 06 qui a 22 ans et elle aussi elle a eu mal au dos. Dis-nous d'où ça vient la belle du 06, j'aimerais bien savoir. Ouais. Ah bah c'est le mal qui est le plus répandu. Les Français répondent quand on leur dit quelle est votre dernière douleur que vous avez eue, le mal de dos à 67%. Bah, je crois que c'est pour les vieux moi ça. Et c'est sur le sondage, c'est sur tous les âges. Hein. Ah ouais. Numéro 2, c'est bon. La tendinite. Non, pas du tout, c'est le mal de tête. C'est vrai que truc courant, mais ça peut être désagréable. Oui, c'est vrai, mal de tête commun. Il y en a qui ont des migraines, comment ça s'appelle? Chroniques. Ophtalmiques. Ouais, c'est ça, ah avec ouais, les yeux, mais sinon, il y en a qui ont tout le temps mal à la tête. Tout le ouais, temps. Ça, c'est peut-être ta copine quand elle veut pas faire l'amour. Ouais, c'est enfin, ça, ouais. T'en arrives, la petite migraine. Et le numéro 3, à 53%, c'est le mal de ventre. Et ça au moins j'y ai échappé. Et tu vois quelque part c'est rassurant, dit Difool. 83% des personnes interrogées parlent de leur douleur à leur entourage. Ah voilà. Et leur entourage est sympa à eux. C'est pas marqué. Ah. Et le pourcentage des personnes qui sont saoulées par leur entourage qui leur parle de leur douleur, c'est pas marqué non plus. Tiens, j'ai trouvé comment mettre ton truc. Merci. Ah bah c'est bien. C'est alors, super. Alors attention, là, Difool, nous allons maintenant passer au traitement. Mmh. Nous allons appeler quelqu'un. On va s'occuper de ton cas. Ne t'inquiète pas, nous appelons un professionnel qui va s'occuper de ton bras et c'est de ta tendinite. Donc, opération tendinite dans le French Test. Allez. Le French Test sur Skyrock. T'as pas appelé un chirurgien pour me couper le bras quand même, Non, t'inquiète pas. Donc, je peux pas savoir qui c'est. Bah, de toute façon, je vais savoir. Chérie Rami, bonjour. Comment? Allô? Oui. On est où? Comment? Je suis où là? Dans une boucherie. Ah, nickel, c'est ce que je voulais. Bon, dites voir, monsieur, je vous appelais. J'ai une demande un peu particulière. Vous faites des commandes? Oui. Oui. Alors je vous explique, j'ai un ami, il a une tendinite, vous savez, à l'épaule. Oui. Oui. Est-ce que je pourrais vous l'amener, éventuellement vous lui couper le bras? Pas de souci, par contre c'est cher quand on touche les humains. Hein. Ah ben c'est pas grave, il a de l'argent. Ah impeccable. Et en plus, c'est moi qui paye. Bon, je peux vous l'amener vers quelle heure? Moi je veux pas vous déranger. Quand hein. Vous voulez. Hein, allez. Écoutez, je passe à 10h ce matin, je vous l'emmène, vous lui coupez le bras, vous le foutez dans votre vitrine, vous le vendez. Hein. Impeccable. Ah ben merci. Il est grand, j'espère. Il est grand, oh, il fait un combien il mesure Non, gras. Moi il me faut du petit et du gras. Gras? Ah non. Alors, c'est pas bon, vous le gardez alors. Mais musclé sec. Hein. Ah c'est ça, je suis musclé sec. Oui, mais il me faut un peu de gras. Ça donne du goût à la viande. Allez, merci, messieurs. Vous voyez comme Zlatan, il est musclé. Ça, c'est allez, bien, merci, ça. Au revoir. Ah ben, je vous l'amène tout à l'heure. Merci, amenez monsieur le boucher. Amenez-le, adieu. Merci, à tout à l'heure. Adieu, le boucher. Ah ben, ça y est, problème réglé, Difool. C'était sympa, Romano. Ben, tu n'auras plus besoin d'attel. Bah non, j'aurai plus d'épaule. C'est quand même bien pratique. Ah ben voilà, c'est parfait. 6h-9h. On est chaud. Le morning de Difool sur Skyrock. Pas

moment du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. The morning show. Morning best. Yeah, le morning best, juste avant de retrouver le réveil de star d'Horatio des experts. On est le lundi 27 juin, votre horoscope de l'amour. On y va, let's go, 0 sur 5 de puissance amoureuse, malheureusement pour les lions et pour les scorpions, avec l'envie de tout envoyer chier. 1 sur 5, les gémeaux et les vierges, et votre ego qui se retrouve quelque peu froissé. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les béliers et pour les sagittaires. Si quelqu'un vous ignore ou vous snob, ignorez-le et laissez tomber, passez à la suite. 3 sur 5, les balances et les poissons, avec pour certains un plan cul qui pourrait commencer à devenir un petit peu sérieux. 4 sur 5 de puissance amoureuse, les taureaux et les cancers, et votre désir sexuel qui ne cesse de s'accroître. Et enfin, les capricornes et les versos euphoriques comme Griezmann, comme l'équipe de France, vous allez enfiler les buts. Les capricornes et les versos, 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le réveil de star, tous les matins sur Skyrock, même pendant l'été, 6h15 à 8h-10 et 9h-10. Le réveil de star à retrouver maintenant avec Difool et Romano et Justin Timberlake, aussi avec Can't Stop the Feeling. Et attention, voici maintenant nos amis les experts et Horatio Kane ce matin. Ouais, dans le réveil de star. Le réveil de star d'Horatio, c'est parti. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Ça va Horatio ? Bien. C'est à vous que je veux parler. Ça tombe bien, Horatio. Nous aussi, on voulait te parler ce matin. Et on aimerait que tu appelles la famille Anderson. Vous êtes sûr? Oui, on est sûr et certain. Voici les Anderson français qu'on va appeler en direct. On prend des risques sur Skyrock. Ne faites pas ça, sinon je vous arrête. Non, mais là, il faut le faire. C'est le moment, là. Bah, c'est le réveil des stars. Donc, faut y aller, Horatio, là. On y va, Horatio. C'est parti, donc, chez les Anderson ce matin. Let's go. Horatio et les Anderson, la rencontre. On compte sur Skyrock. Allô ? Monsieur Anderson. C'est lui. Oui ? Je suis le lieutenant Kane. Lieutenant comment ? Lieutenant Kane. Je connais pas. C'est à vous que je veux parler. Oui, au sujet de qui ? Quoi ? Vous semblez contrarié. Non, pas du tout. Vous connaissez des détails de l'enquête ? Ben, l'enquête de quoi ? Nous avons trouvé un de vos cheveux sur l'arme du crime. Auriez-vous omis de nous dire quelque chose ? C'est quoi cette connerie ? Il est évident que vous essayez de couvrir quelqu'un. De couvrir qui, quoi, quand, comment? Vous le savez très bien. Je suis pas du tout au courant d'une connerie comme ça, hein. Non, vous mentez. Je comprends pas bien ce que vous voulez dire, là, ce que vous me dites. Vous êtes pas au courant? Non, pas du tout. Et puis là, je vous conseillerais presque pas d'arrêter, moi, parce que ça va commencer à me fâcher sérieusement, là. C'est une histoire de cocaïne? Quoi? Mais je comprends pas ce que vous me dites, là. Je vous repose la question. J'ai rien à avouer, j'ai rien à vous dire. Votre couteau a servi à tuer Rocco Damara. Mais je m'en fous, j'ai rien à vous avouer. Je peux même vous dire une chose, c'est que je vous emmerde, moi. Ne faites pas ça, sinon je vous arrête. Mais je vous emmerde, moi, je connais pas votre connerie, là. Où êtes-vous allé après le tribunal? Merde, j'ai pas été au tribunal, je suis chez moi, là, pour le moment. Qu'est-ce que vous venez me faire chier, là, espèce de con? Vous le savez très bien. Eh ben, je vous emmerde. Vous êtes sûr? Mais je vous emmerde, et vous voulez que je prévienne les flics, quoi? J'ai votre numéro d'inscrit sur mon téléphone, là, maintenant. Ah, ça commence à bien faire, vous m'emmerdez, là. Je vous avais pourtant prévenu. Oui. Eh, moi aussi, je vous préviens. Je vais vous remettre en prison. Et je vous emmerde, moi, je vous dis. Je crois le savoir. Oui, il te l'a dit plusieurs fois, il t'emmerde, hein. Ouais, c'est clair. Ça mérite d'être clair, ouais. Et monsieur Anderson veut envoyer les flics de France chez les flics de Miami, chez les experts à Miami. Ça va changer, oui. J'attends la confrontation. Ah, bah, il y a Gérard de la brigade qui va arriver. Et le monsieur Anderson croyait que c'était un vrai monsieur de la police. Ah, ouais. Bah, je n'ai rien fait, monsieur. Il ne faut pas le faire chier, hein. Non. L'histoire de la cocaïne, tout ça. Et tu as entendu, Romano, la question magnifique qu'a posée Horatio. Ouais. Nous avons trouvé un de vos cheveux sur l'arme du crime. C'est les tiens. Bah non, aucune chance que ce soit moi. Eh oui, tu es innocent, Romano, car tu n'as pas de cheveux, il faut bien le préciser. Donc oui, tu ne peux pas. Il reste quand même quelques-uns. Tu ne peux pas sur être. Sur les côtés, ouais. Oui. Ouais, c'est ça, j'ai la couronne. Tu es innocent, tu n'es pas coupable. Non, vous mentez. Si, je t'assure, il est chaud. Je le jure, monsieur Horatio Kane. Ah ouais, on va t'envoyer une photo, Horatio, tu vas voir la photo de Romano, il n'y a pas poil sur le caillou. Hein. 6h-9h. Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Sur Skyrock, vous l'avez découvert ici, on a été les premiers à vous le passer. Can't Stop the Feeling, 7h56, le Morning Best, avec les meilleurs moments du Morning de Difool, tout ce qui vous a fait le plus marrer tout au long de l'année. On va parler des escroqueries sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, dans les conseils pas chers de Romano. Ça sera juste après l'actu et le sport. Il y aura Mike Posner aussi avec I Talk Pill in Ibiza. Mais maintenant, écoute Morning Best de 6h à 9h et gagne ton tout nouvel iPad mini. Oui, on vous a posé une question tout à l'heure pour repartir avec votre iPad mini à l'occasion de la sortie du film Conjuring 2 qui sort mercredi avec Skyrock. La question était: quel était le métier de Romano tout à l'heure à 7h08 dans les conseils pas chers? On va accueillir Ali en direct avec nous. Allô Ali? Oui, allô. Ouais, ça va Ali? Ça va et vous? Super, super. T'as quel âge et t'habites où toi? 29 ans, j'habite à Lyon. Ok, la bonne réponse c'était... Mais j'en suis pas sûr, donc j'en ai envoyé une, j'ai mis Boucher. Boucher, pas du tout Ali, je suis désolé, malheureusement ce n'est pas la bonne réponse. On va accueillir David, qui est en direct. Allô David? Ouais, salut. Alors, quel était le métier de Romano ce matin dans les conseils pas chers? Moi j'ai dit que c'était médecin. Médecin, pas du tout David, je suis désolé pour toi mon bon David. On va aller sur la ligne numéro 3, on va accueillir Jennifer. Allô Jennifer? Oui, salut. Ça va Jennifer? Ça va et toi? Ouais, t'as quel âge, t'es où toi Jennifer? J'ai 21 ans, je suis sur Nancy. J'espère que tu vas nous donner la bonne réponse Jennifer. J'espère. Alors, donc moi je dirais agent immobilier. Eh ben c'est gagné, la bonne réponse, bravo à toi Jennifer, bip bip, l'iPad mini. Voilà, félicitations, il est pour toi, bah, t'es contente? Merci beaucoup, oh oui, ça me fait super plaisir. Très très bien, bah on va te l'envoyer à la maison alors, voilà, à l'occasion de la sortie de Conjuring 2. T'es la première grande gagnante de la semaine, tu repars avec ton iPad mini. Bravo. Eh ben merci beaucoup. De rien, je te souhaite une belle matinée, je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Bisous, salut. Ciao Jennifer. Il y aura encore un iPad mini, ça sera à gagner demain matin. On remettra ça entre 7h et 7h45. Maman, tu me racontes une histoire? Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. Mais c'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Mais tu lui racontes quoi là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Pirelli 16 pouces à 65€ seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot des bleus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/rdv. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Maillot offert pour 1 euro de plus. Si le canapé, je mettais plutôt ici, et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là, et la lampe ici. Voilà. Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez IKEA. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. IKEA. Dans la limite des stocks disponibles. Géant. Pour les offres exclusives, vous pouvez compter sur Géant. Jusqu'à dimanche, si vous achetez une bouteille de champagne Charles Lafitte Brut Belle Cuvée, la deuxième bouteille de 75 centilitres est 100% gratuite. Soit par deux, la bouteille de champagne Charles Lafitte à 13,51€ au lieu de 27,02€. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chérie, pour les vacances, t'oublies pas qu'on prend ma mère. Ça, je suis pas prêt de l'oublier. Quoi? Je disais, j'emmène la voiture chez Euromaster. Ta mère sera plus tranquille. En plus, ils font des super remise. Alors là, je te tire mon château. Et oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Profitez d'offres expertissimes sur les freins, la clim, la révision et la vidange avec Bosch et Shell. Euromaster. Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 21 août. Conditions sur Euromaster.fr.

and work's my excuse, but the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad songs, sad songs. Avec tout Cupilini Biza, Mike Posner sur Skyrock à 8h11. Il y a Steve qui demandait si Difool est en vacances. Non, Steve, il est pas en vacances, ni Romano, ni Cédric. Vous les retrouverez en direct ce soir à partir de 21h pour la Radio Libre. Hein. On pourra notamment débriefer le week-end et la belle victoire de l'équipe de France. Là, c'est la première du Morning Best, les meilleurs moments du Morning de Difool, tout ce qui vous a fait marrer tout au long de la saison avec les conseils pas chers de Romano. C'est parti, Rihanna avec Mike et Echo aussi pour Stay. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Alors, conseils pas chers ce matin, Romano, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ce matin, je vais aller coller des amendes aux familles. C'est bien, t'aimes bien ça. Hein. Ah ouais, ça j'adore. T'aurais dû faire keuf, toi, je te dis. Hein. Ouais, dis souvent, je lui dis, fais la réflexion. Romano, non, mais j'avais pas la taille. Ah ouais, le pauvre, excuse-moi. Trop petit. Oh, que je suis triste. Que même avec le képi, j'étais encore trop petit. Je suis triste de savoir que tu aimais vraiment tout petit, mais minuscule, Hein. Non, mais je crois qu'il y a une taille, je crois que c'est 1m65 ou 68. Ah bah oui, faut que tu gagnes, en centimètres. Ah, bah non, mais c'est mort, hein, là, je gagnerai plus. Alors, ton conseil pas cher. Bon, alors. Bon, tout le monde est présent sur les réseaux sociaux. Moi, non. Oui, à part Difool. Mais par exemple, tu sais, quand vous utilisez des images que vous récupérez sur le net, ouais, normalement vous n'avez pas le droit de les utiliser parce que les images, elles sont soumises à des droits d'auteur. Oui. Ce matin, je travaille pour la brigade internet. Je vais appeler des gens qui ont des pages Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et je vais leur expliquer qu'ils utilisent des photos qui ne sont pas eux, donc il faut les payer. Et c'est 200€ la photo. Pas mal. Ah ouais. Eh ben voilà, c'est la menace. En gros, tu vas sur Google, tu prends une image, c'est ça que tu nous expliques. Ouais, c'est ça. Ouais. Par exemple, oui, tu prends une image. T'aimes bien, mettons, Cariole adore les chiens. Oui. Elle prend une image de chien, le poste sur son Instagram. À partir du moment où la photo, c'est pas elle qui l'a prise, elle est pas elle. C'est une voleuse d'images. Elle vole un chien. Et elle doit payer 200€. Paye, carrément, paye. Bien sûr, oui. Elle va même faire payer les membres de l'équipe. Et ça existe vraiment. Il y a des boîtes qui traquent les gens qui prennent des photos qui ne sont pas eux. Et les amendes peuvent aller de 100 à 100 000€. Ah ouais, mais pourquoi tu fais pas 100 000€ d'amende? Parce que j'ai quand même du respect pour les familles. Oh, les éthiques. Ouais, j'ai une morale. Allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince de la brigade internet à l'appareil. Vous êtes bien détentrice d'un compte Facebook ? Ah non. Ah bah si madame, vous avez un compte Facebook. Pas de chance. Vous allez bien sur internet ? Ah non, j'ai rien, j'ai pas d'internet moi. Vous allez sur le Minitel vous, non ? Non plus. Non plus, vous avez arrêté ? Bah j'ai rien moi, j'ai rien. Bah, vous utilisez le téléphone ? Oui, le téléphone. Eh ben voilà, je suis obligé de vous mettre une amende de 200€, madame. Oh, n'importe quoi. Ah si, bah si, je vous assure, 200€, c'est le tarif. Ouais. Donc je passe ce matin à 8h, là. C'est ça. Je récupère le téléphone et les 200€, en plus. Ouais, surtout. À tout à l'heure, prépare-moi un petit café, tiens. Bisous. Ah, bien joué, Romano. Bah, j'ai détourné le conseil, parce que bon, là, on est tombé sur la dame qui n'a... Quelqu'un de ta famille, peut-être. Peut-être. Ni Facebook, ni Internet. Non, mais rien du tout. Rien de rien. Bon, on entend ton deuxième en espérant qu'il aura Facebook, lui. Bah, hein, j'espère. Facebook ou Alou Trezo. Il y a des boîtes. Il y a une boîte qui s'appelle Graphic Detective. Son job, c'est traquer sur le net les photos utilisées illégalement. Donc, ça existe vraiment. Si vous vraiment voyez ce nom-là qui traîne sur vos trucs, c'est, vous êtes dans la Alain. Merde. Oui. Alain. Bonjour. Allô. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oui, excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapince, à l'appareil de la brigade internet. Est-ce que je pourrais parler à Alain, s'il vous plaît ? De la brigade internet. Oui, parce que c'est à propos de vos comptes sur les réseaux sociaux. Oui. Vous Facebook, tout ça. Vous utilisez des photos, en fait, illégalement. Ah non. Ah si, bah madame, je suis désolé de vous le dire. Vous avez récupéré des photos sur Google que vous avez postées sur votre compte internet, vous n'avez pas le droit. Et donc, du coup, je suis obligé de vous verbaliser. On en a détecté 4. Donc, ça fera 800 euros d'amende, madame. Alors, qu'est-ce que c'est, ces bêtises, là? Ah, bah, écoutez, madame, sur un autre tour, si je pourrais parler à Alain. Oui, je vous le passe. Enfin, je vais vous le passer, là. Ah, bah, merci, ma bonne dame. Passez-le-moi, madame. Alain, tu peux venir? Viens voir, parce que 800 euros, quand même, tu as l'effort, là. Ah bah, c'est la brigade internet. C'est la brigade internet qui est en ligne. Allô? Oui, bonjour, Alain. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est Monsieur Lapaz de la brigade internet. Oui. Dites voir, vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Non. Facebook, tout ça? Non. Ah bah si, j'ai découvert un compte à vous. Hein. Et en fait, dessus, vous utilisez des photos que vous volez, monsieur. Et vous en avez volé 4, donc je vous mets une amende de 800 euros. Non, non, non, c'est la connerie, attendez, on va s'occuper de votre cas, là, monsieur. Ah ben moi, c'est moi qui vais m'occuper du vote, là, c'est 800 euros. Non, regardez. Si, ouais. Et qu'est-ce que c'est comme photo? Ah ben, c'est des photos X, monsieur, en oui. plus. Oui, X. Non. Ah si, si, monsieur. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'arriver chez vous d'ici 10 minutes à quart d'heure, là. Parce que je suis garé dans la rue d'à côté. Je vous attends. Eh ben, comme ça, vous montrez votre internet. Moi, je regarde, à la moindre photo, je verbalise. Oui. Ah ben j'arrive dans 5-10 minutes là. Non, attendez. Ah bah si, j'ai rendez-vous. Non, laissez tomber. Ah ben vous annulez le rendez-vous hein, parce que moi. pas mal. La brigade internet. Ah oui, ça c'est terrible. Elle arrive. Elle a encore frappé. 6h-9h. On est chaud. Le morning de Difool sur Skyrock.

Vanessa, elle est folle. Mais c'est ce qui permet à nos clients de rester, eux, très raisonnables et de chausser toute la famille en Geox. Moins 10% supplémentaires sur les Geox déjà soldés, c'est aujourd'hui. Sarenza.com. Vanessa, tu peux soumettre l'offre à condition tout de même? Ah non. Carrefour. Maman, regarde, c'est l'opération au top de ma beauté chez Carrefour. Il y a plein de promos. Mais oui, j'ai vu ça. Il y en a tellement que j'arrive pas à me décider. Ben, moi, je te conseillerais de prendre le gel douche Sanex. En plus, jusqu'au 11 juillet, il y a 40% de remise immédiate dessus. Ah, j'aime bien quand tu prends soin de moi et de mon budget. Jusqu'au 11 juillet, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, c'est l'opération au top de ma beauté. Profitez par exemple de 40% de remise immédiate sur le gel douche Sanex. 2x750 ml. Carrefour. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais ? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves ? C'est quoi vos sources ? Lucas ? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Meilleur moment du morning de Difool. Morning Best. 6h-9h sur Skyrock. Pour 6-300 euros, c'est à choper. C'est Pierre de Clermont-Ferrand qui téléphone avec nous. Bonjour Pierrot. Ouais Pierrot. Salut Difool, salut Romano, salut l'équipe. Salut. Bienvenue sur Sky Pierre. Alors on apprend plein de choses dans le morning et on parle ce matin d'un policier qui s'est fait choper en train de voler dans une grande surface à Nîmes. Il a 46 ans. Il a volé 46 euros d'un truc. Alors vous nous avez proposé des préservatifs. Non. Vous nous avez proposé des rasoirs. Non. Ah moi que... je pensais à ça moi, ou des lames de rasoir. Non, je vous ai donné un petit indice, je dis qu'il allait se taper la honte auprès des collègues. Qu'est-ce qu'il a volé? Toi tu le sais. Des serviettes hygiéniques? Non, on se rapproche un peu, c'est pas ça. Pierrot, toi tu sais. Alors il a volé du maquillage. Mais oui. Ah ouais. Oh là là. C'est quoi, il... 46 euros de maquillage. Les travestis à 6 heures perdues ou... Peut-être. Ah, 46 euros de maquillage, le policier l'a volé à Nîmes. Il s'est fait choper. Ça, c'est vraiment pas de chance. Hein. Ouais, ça, c'est con. Ouais. Ouais. Bon, je sais pas ce qu'il fait la nuit. Peut-être qu'il se déguise. Ouais, peut-être. C'est ça. Bravo, Pierrot. Tu as gagné. Pas sûr, hein, mais tu as 300 euros sur ton compte. Tu as un crédit de 300 euros. Oui. Attention, à partir du chronomètre, chaque seconde, on enlève 10 euros. Donc, le but du jeu, c'est de répondre le plus rapidement possible. Ouais, à la question que je vais te poser maintenant. Allez, c'est le chronotune ? Oui. Le chronotune. Tu sois plus rapide que le chrono et on poche la thune. Et oui, le jeu où on se bat contre un chronomètre. Attention. La question, t'es prêt, Pierrot ? Ouais, je suis prêt, vas-y. Il faut me donner 5 métiers où on porte un uniforme. Allez, top chrono, c'est parti. Policier, infirmier. Ouais, deux. Serveur. Oui. Dans les avions. Hôtesse de l'air, oui. et esthéticienne. Non. Oui. Ah, esthéticienne. Non. Dans un tribunal. Juge. Oui, ouais. Mais bon. Sinon, il y avait militaire, t'as pas dit ? Il y avait militaire. Pompier aussi. Il y avait médecin aussi, on pourrait dire médecin. Infirmière, médecin, tout ça. Cuisinier, bien vu, carrément. Ouais, c'est vrai, ouais. 5 métiers où on porte un uniforme. On a eu les 5 en combien de secondes ? Bah là, il te reste 12 secondes, donc ça fait 120 euros. Pas mal. Bah c'est pas mal. 120 euros pour toi, Pierrot, directement à la maison, sur ton compte en banque. Ça fait du bien, ça fait toujours plaisir, un petit chèque de 120 euros. C'est toujours plus, bon. C'est pas faux, ouais. Gagne rapidement en plus. Eh bah oui, rapidement, c'est le chronotune, c'est normal, c'est un jeu de rapidité. Ouais. Bravo, Pierrot. Ah, merci bien. Félicitations à toi. Et puis, ne vole jamais de maquillage. D'abord, c'est la honte et après, on peut avoir des problèmes. À preuve, le policier de Nîmes. On salue les Nîmoises qui nous écoutent. Oui. Et tu salues toute Auvergne pour nous. Enfin, une grosse bise, Pierrot. Puis on t'envoie tes 120 euros à la maison. C'est parti. Ça marche. C'est super sympa. Merci. Ben, merci, Pierre. Bonne journée à toi. Tu bosses dans quoi, toi ? La vente en boulangerie. Ah, les boulangers qu'on salue d'ailleurs ce matin. Salut les boulangers. Et les boulangères. Oui. Et salut Pierrot. Ciao Pierrot. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi. 6h-9h. Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille de plus généreux. Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. J'ai tout perdu. dit depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Des hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Il fera un grand concert Skyrock en 2017 au Stade Vélodrome de Marseille. Les premières places sont déjà en vente et on aura bientôt l'occasion de vous enfiler. C'était Sopra sur Skyrock. Soprano avec le diable ne s'habille plus en Prada. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. 8h31. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. On est lundi matin, le 27 juin, le début de la semaine. Toute nouvelle émission, nouveau rendez-vous sur Skyrock. On est ensemble tous les matins entre 6h et 9h pour revivre les meilleurs moments du morning de Default. On se refait l'année de Default et Romano. Tiens, petit sondage. Qu'est-ce qui permet d'obtenir une faveur de son chéri ou de sa chérie? Une petite gâterie, les meilleures méthodes. On va en parler avec Default et Romano. D'ici à 9h, il y aura également le réveil de star de Dora. On va utiliser sa voix pour réveiller une famille. On se mettra le son de Designer, aussi le New Yorkais avec Pendy. I got broads in Atlanta, just a Dolby in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hand. Et on fait un point sur l'actuel sport, on y va tout de suite avec toi Rémi. As-tu de bonnes nouvelles à nous annoncer pour attaquer la semaine? Bah ça dépend, t'es au nord ou t'es au sud? Bah on est partout nous, on est partout, voilà. Eh ben si on est dans le nord, eh bien ce sera pas terrible aujourd'hui au nord de la Loire avec des averses et des nuages donc qui vont concerner toutes les régions au nord de la Loire, donc jusque dans le nord là-haut aux frontières du nord. Et puis par contre si vous êtes à sud dans le sud ou à l'est, eh bien ce sera relativement ensoleillé dès ce matin. Bon, petit bémol quand même cet après-midi, ça ira mieux en Bretagne et en Normandie. Les températures ce matin, 10 degrés au Puy-en-Velay, 11 à Metz, 12 à Saint-Étienne et à Lille, 13 à Orléans et à Strasbourg, 14 à Lyon, 15 à Paris, 18 à Toulon et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 au Havre, 20 à Lille et à Beauvais, 21 à Paris et à Rouen, 22 à Poitiers, 23 à Strasbourg, 25 à Toulouse, 27 à Marseille et à Lyon et 30 du côté d'Avignon. La pollution, on respire bien en ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Lyon, Marseille, Nice et Ajaccio. L'horoscope de l'amour dans moins de 20 minutes. Et là, c'est parti pour l'actu. Ils ne lâcheront rien. Ils continueront le combat. Peu importe le résultat du référendum d'hier, les zadistes ne veulent pas en reconnaître la légitimité. Les électeurs de Loire-Atlantique ont pourtant dit oui au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes à plus de 55%. Les opposants de leur côté appellent tous les soutiens et comités à se mobiliser dans les semaines à venir. Manuel Valls estime que la démocratie a parlé. Il souhaite que les travaux débutent cet automne. François Hollande, Angela Merkel et Matteo Renzi réunis ce soir à Berlin. Le président, la chancelière et le premier ministre italien vont préparer le sommet de demain avec à l'ordre du jour la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Tous trois sont d'accord pour aller vite, même si Angela Merkel se veut un peu plus mesurée. La question de la future Europe va forcément se poser avec des modifications en profondeur. François Hollande souhaite moins d'austérité, mais il avait déjà échoué à faire plier la chancelière en 2013. La presse parle ce matin d'une bataille de leadership qui pourrait donc s'ouvrir dès ce soir à Berlin. Qui sommes-nous pour juger? Ce sont les paroles du pape François qui réaffirme son soutien envers la communauté homosexuelle. Le souverain pontife

package smoke, done it. Selling ball, candy. Been on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Big nigga bullet, you bandit. Hope you killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted door, lean the fan. Credit cards and the scammers. Hitting the links in the van. Legacy, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, fan. Why is he panda? Package smoke, done it. Selling ball, candy. Been on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your band. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda. La chanson du panda à 9h20, designer, le New Yorkais sur Skyrock, le premier morning best, la toute première. En ce lundi matin, lundi 27 juin, on va terminer l'émission avec votre horoscope de l'amour, le réveil de star aussi. On va utiliser la voix de Dora pour réveiller une famille. Ken Jones, nouveau son, Raga Dancehall également qui se prépare, et un nouvel épisode du morning de Difool à retrouver maintenant. Le sondage du jour. Ah oui, on fait sondage du jour ce matin. On a demandé aux Français qu'est-ce qui leur permettait d'obtenir une faveur sexuelle auprès de leur chérie. Bon, alors moi je dis un cadeau. Un cadeau, tu dis, Romano. Moi, selon mon expérience personnelle, quand je cuisine avec elle, parce que je cuisine jamais tout seul, parce que moi je cuisine mal. Bien sûr, vas-y, on tient ouais, un peu ça. Je cuisine mal. C'est étrange. Si, mais regarde, tous bizarre. Parce que Difool quand même, se nourrit avec des melons en boule. Non, mais quand tu l'aides à préparer des trucs, tu lui dis, ah, t'as besoin un petit peu de sel, tu veux ça. Ouais, quand tu fais le bouffon, quoi. Bon, il y a deux solutions. Ou elle te dit, oui, c'est ça, en fait. Elle te dit, fous-moi la paix, laisse-moi cuisiner. Ouais. Ou alors, ça peut procurer une certaine excitation. Ah ouais, bah, moi, tu vois, c'est plutôt la première possibilité, ça l'énerve. Ah, ça me rend dingue. Quand il est dans mes pattes dans la cuisine, ça me rend dingue. Oui, bah, je suis tout petit, forcément, je suis dans tes pattes. Bah oui, où tu qui se mettent, le pauvre. Voici donc les choses qu'il faut faire pour obtenir une petite faveur de son chéri ou de sa chérie. Alors vas-y. Les trucs qui l'excitent. Ça peut servir. On va commencer par vous, les filles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous exciter? 1. Les tâches ménagères. Nous voir en train de passer le balai, l'aspirateur, tout ça, ouais. Ça vous excite. Bizarre. 38% des femmes ont répondu ça. En 2, t'avais raison, Romano, un cadeau. Bah oui, bah ça évidemment. Qu'est-ce que vous êtes vénales, les filles? Alors c'est dingue. Non mais moi, de toute façon, j'ai remarqué, Cariole, je lui paye le resto, derrière, je lui mets dans le pot. Oh voilà. Joli proverbe. Magnifique. Non mais je cherchais la rime idéale, je crois que je l'ai trouvé. Donc un petit cadeau à 34% quand même, hein, les filles. Un petit cadeau, un coup dans le pot. Ouais, exactement. En 3, prendre soin des enfants. Il faut en avoir. Ça les touche, des fois en faire, ou autrement tu pourrais une poupée. Ou alors un chien. Ou un chien, non, prendre soin des enfants, des amis, de la famille, en tout cas prendre soin des autres. Elle trouve ça tellement mignon qu'elle a envie de faire l'amour avec vous après. Mmh. En 4, préparer le dîner, et ben voilà, j'avais dit. Ouais. Et en 5, lui rendre service, lui faire des trucs qu'elle a envie. Par exemple, si elle a des courses à faire, elle a pas envie d'y aller, vous y allez à sa place. Et elle sera tellement gentille avec vous. Ah ouais, mais bon, si c'est pour aller faire des courses, oui, bonjour, je vais acheter des serviettes hygiéniques ou des. Ah oui, tu vas lui chercher ces trucs. Moi, je déteste ça. Ça, c'est donc pour les filles. On passe maintenant aux gars. Qu'est-ce qu'il faut faire, les filles, pour exciter vos gars sexuellement? En 1, regarder du sport avec lui. Ah ouais, ouais. À 35%, ça nous excite, ça. Vous regardez un match de foot avec nous, à condition, bien sûr, que vous taisiez. Oh non. Ouais, pas de commentaires et pas de questions. Et pas de questions, surtout, pendant le match de foot. En 2, les tâches ménagères. Ouais. Voilà, ça nous excite de vous voir faire les tâches ménagères. Allez. C'est pas faux, à 31%. 35%, c'était pour le match de foot. En 3, conduire la voiture. Quand il est bourré, il trouve ça tellement mignon qu'il a envie de vous faire l'amour après. Ouais, comment la parce que moi par exemple, tu vois, je suis bourré. Oui. Bon, déjà Cariole en général l'est plus que moi. Oui, puis elle a pas le permis. Et donc Romano, ne suis pas le conseil numéro 3. Dans le coffre, elle va trouver ça romantique ou... Peut-être. Le 4, eh ben prendre soin des enfants, de la famille, des amis, c'est un petit peu comme les filles tout à l'heure. Mmh. Et en 5, lui laisser aller à une soirée avec des potes. À 17%, quand il revient de la soirée, il est surexcité, il a envie de vous faire l'amour, les filles. Ouais, surtout sous comme un cochon. Hein. Aussi. Et puis il revient surtout sans rien. Allez, bobonne, ça va être ton tour. Voilà ce qu'il faut faire pour exciter votre partenaire. Vous savez tout, ouais. Les gars, les filles. C'était notre super sondage du jour. Ah bah maintenant, vous savez tout. Hein. 6h-9h, les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me. She said, hola, como esta. She

6h-9h sur Skyrock. Juste avant le réveil de star de Dora, il est pratiquement 9h-10, on y va pour votre horoscope de l'amour, le tout premier de la semaine. On est lundi 27 juin, 0 sur 5 de puissance amoureuse, malheureusement pour les lions et pour les scorpions, avec un petit peu l'envie de tout envoyer chier. 1 sur 5, les gémeaux et les vierges et votre ego qui se retrouve quelque peu froissé. 2 sur 5, de puissance amoureuse, les béliers et les sagittaires. Si quelqu'un vous ignore ou vous snob, ignorez-le et laissez tomber, passez à la suite. 3 sur 5, les balances et les scorpions, avec pour certains un plan cul qui pourrait peut-être se transformer en relation sérieuse. 4 sur 5 pour les taureaux et pour les cancers, et votre désir sexuel qui ne cesse de s'accroître. Et enfin les capricornes et les verseaux, euphoriques un petit peu comme l'équipe de France, vous allez enfiler les buts un petit peu comme Griezmann. Capricorne et Verseau, c'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. D'ailleurs on suivra le match qui va opposer l'Angleterre à l'Islande ce soir en direct dans la radio libre de Difool. On découvrira l'adversaire des Bleus. Là, tout de suite, on se met le réveil de star. Calvin Harris et Rihanna aussi avec This Is What You Came For. Le réveil de star. Une star, une star, un appel, on écoute. Et ouais, c'est Dora qui va réveiller les familles ce matin. Hello, I'm Dora. C'est bien, Dora parle anglais. Bonjour Dora, tu peux nous le faire en français. Hein. Bonjour. Bonjour, et ce matin Dora réveille la famille de Marc. On a mis Dora en contact avec Marc. Qu'est-ce que ça va donner? C'est parti. Attention, accrochez-vous. Dora in action. Oui. Ah, bonjour à la petite Naïssa qui nous écoute. Qui est oui, allô? Bonjour, c'est moi Dora. Je connais pas là. Nous venons de poser une affiche pour mon ours en peluche. Oh. Il s'est perdu. Ah. Je l'ai cherché, mais je n'ai pu le trouver nulle part. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Papa et maman me l'avaient offert pour mon 4e anniversaire. Oui. Mais voilà qu'aujourd'hui, je l'ai perdu. Il faut absolument que je le retrouve. Non, mais... c'est quoi cette affaire? Est-ce que tu as une idée? Ah, non, non, non, du tout, non. Mon ours en peluche se trouve dans la cité perdue. Oh. Ah là, je connais pas ça. Ouais. À qui fait-on appel lorsqu'on ne sait pas quel chemin il faut prendre? La carte. Veux-tu demander à la carte de nous indiquer comment on va à la cité perdue? Où faut-il aller? En route pour la cité perdue. Allez. Allons-y, oui. Bravo, tu as trouvé la cité perdue. Il faut trouver le doudou maintenant. Tu veux regarder dans mon sac à dos? Oui. Alors il faut que tu dises sac à dos. Sac à dos. Je crois qu'il faut que tu le répètes. Sac à dos. Oui, tu l'as retrouvé. Tu as entendu? Non. Ah oui, là j'entends, oui. Ça doit être Shipper le renard. Mais oui. Shipper. Tu veux bien nous aider à arrêter Shipper le renard? Shipper le renard, oui. Alors si tu vois le renard, dis Shipper. Ah oui. Bon bah attends, je regarde un peu dehors, hein, parce que dans les maisons, il n'y a pas souvent de renard. Hein. Il faut que tu dises Shipper, arrête de shipper. Bon, Shipper, ah, j'en ai vu un là. Shipper, s'arrête de shipper. Merci, tu nous as aidé à arrêter Shipper. Nous avons fait une fantastique balade aujourd'hui. Bah oui, c'est sympa. Quel a été le moment que tu as préféré, dis-moi? Bon, j'ai pas de moment préféré, non. Non. Moi, mon moment préféré, c'est celui où j'ai récupéré mon ours en peluche. Bah, sans doute, oui. Nous n'y serions jamais arrivés sans toi. Merci de ton aide. Ah bah voilà. Eh ben merci Marc. Eh ben oui. Au revoir. Au revoir. Yeah. Au revoir. Ouais. Ouais. Il est gentil Marc. C'est le générique. Oui. Parce qu'on n'en a pas eu assez. Et Marc, il était très content. Il est tombé en enfance. Ouais. Sac à dos, sac à dos, sac à dos. Ouais. Carte, carte, carte, carte. 6h-9h. On est chaud. Le morning de Difool sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Looking.

too much in common. C'est Skyrock que vous écoutez. Passez une bonne matinée avec Alicia Keys. Le tout nouveau son d'Alicia Keys, c'était In Common sur Skyrock. Rap R&B non-stop toute la matinée avec Major Lazer qui arrive très vite. Ce sera Light It Up Remix. Il y aura aussi Niska. Niska, le parisien, le rappeur, avec Mustapha Jefferson. Et attention, Rihanna et Neyo tout de suite. Voici 8 Daylight of You. Et puis attention, vos places pour voir Rihanna à Nice, à Lyon, à Lille et à Paris. C'est des concerts Skyrock. Ça va tourner pour vous dans la roulette de Skyrock. Avant 11h. Bougez pas. Everything you do make me wanna smile. Can I not like you for a while? No, but you won't let me. You upset me, girl. And then you kiss my lips. All of a sudden I forget that I was upset. I can't remember what you did. Toujours humain, en costard, voilà, élégant, légant, toujours. j'écoute plus personne. Il sort, il claque les bouteilles. Elle part avec toutes les folles. Gâtez le coin. Staff ou des staffs, il a gâté le coin. Gâtez le coin. Mustapha Jefferson a gâté le coin. Mustapha Jefferson. Obama en personne. Appelle Paris Hilton. Et rappelle sur mon bigot enfoiré. Staff, staff ou des staffs, même dans la fête. Staff ou reste statique. Sort le jeudi, vendredi, samedi. Qu'elle part sur un gros son Delta, qu'elle t'a ramène les tasques, t'as on squat quelque part, peut-être un skate. mes parcs. Je ne veux pas que l'on me porte. Je veux glisser dans ma ville sur un longboard. Accoutrement étrange, mes trous pour la coupe de trunk et vendre la verre. Tu sous-estimes ces blancs, tu prends des coups de trunk dans ta mère. Tu t'entraînes sur des rampes jusqu'à ce que tu rampes. Tu rentres tard, ça ne mène à rien selon tes remparts. Un de mes potes fait une chute en skate, fracture du péroné. Pendant ce temps-là, moi je suis foncé. Je pète ma canne comme un perroquet. Ma canne, ma canne, ma canne, ma canne. T'inquiète, ma caille, l'hôpital m'accueille. Jamais de repos pour le phénomène au mic. Ils veulent me maquer, mais je mène ma canne. Prêt à foutre le bordel comme un Rolling Stone. Mes gars sont dans la place et tout le monde est stone. Ça c'est ma dope. Jamais épuisé, je fais pas mon son pour plaire à Laurent Bruno, mais c'est une victoire quand il est diffusé. Pour mes porteurs de Nikes, pour mes mangeurs de Nanchis, qui ne croient plus rien de ce qu'on leur dit, comme tous les jeunes nés dans les 90s. Si tu m'amènes de la taille, je vais te faire une prise d'aïkido. Qui donc Veda vote en Quam? J'ai des kilos de white widow, widow, widow. Oui, j'ai de la weed, weed, d'Hollande, d'Hollande, widow. On m'en demande en mode dollar, dollar, donnant, donnant. Chez moi, c'est à vous de rouler, servez-vous la question d'honneur. Tu sors de là après. Cerveau troué comme un donut, donut. Oui, dog, oui, j'ai de la, oui, de Dolande, Dolande. Oui, dog, on m'en demande en mode dollar, dollar, donnant, donnant. Yeah.